to the right. Stop looking for your queen and sip on Jack instead. I'm here to run the tables, oh how dare you call my bluff. See, I'm irresistible, kind of unpredictable. Bet you want some action, baby, talk you the talk you. Wanna take a spin? Cachemire pour terminer ce Before Party Fun sur Fun Radio. Adri, tu seras de retour ce soir pour Party Fun, un Party Fun spécial à minuit. Tout à l'heure avec un jeune producteur français, il s'appelle Antoine Delvig, c'est lui qui a fait la reprise de Serge Gainsbourg, Sissex & Son. Il sera là tout à l'heure, il viendra présenter le titre en direct entre minuit et 1h. Voilà, je sais que ce titre, Doc et Karel l'adorent. Tu es de la dynamite. D'accord. Oui. Bah, je chante les vraies paroles. Ah c'est vrai, c'est ça. Ah ouais, oui, putain, un peu de culture, ah, bordel, putain, merde, Adrien Thomas. Je suis pas assez vieux pour connaître ça, moi. Ah bah putain, il ouais, y a pas, y a Serge Gainsbourg, c'est quand même une légende. Hein. C'est comme si tu disais que tu connaissais pas Mozart ou Beethoven. Toi. Bah voilà, c'est ça. Putain, ah, comment il t'a cassé, Doc. Ouais, je sais pas quoi dire. T'es con. Ça va les mecs? Très bien. Eh ben écoutez, passez une bonne émission et un bon week-end, parce que pour vous le week-end démarre dans 2 heures. Absolument, il paraît, ouais. Mais tu sais, on travaille tout le week-end hein, pour faire des belles émissions, donc on n'est jamais vraiment en week-end. Et ben bonne émission. Gros bisous. Bisous. Salut les gars. Ciao, ciao. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Merci Doc. Salut. Merci oui. Doc, merci. Non mais c'est vrai. T'es pas guéri complètement, mais un peu mieux. Un peu mieux, un peu mieux. On est très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment super plaisir d'être avec vous. On va faire de la radio pendant 2 heures. J'ai une petite laryngite, ça explique la voix. Doc m'a filé un traitement. Il m'a dit putain, demain t'auras une voix géniale. Non, j'ai dit 3 jours. Ouais, à 3 jours. Ah putain. Donc lundi ça devrait aller. Dimanche ça devrait aller. Oui. Ouais, super content d'être avec vous. Vous allez pouvoir faire de la libre antenne avec nous comme chaque soir au 01 42 48 5000. Doc est avec nous. Alice, bien sûr. Salut. Ça va Alice? Bah écoute, ça va. Je trouve que tu as une très belle voix. Ça te va très bien. Ah merci un peu Alice. Cassé. T'as fini? Tu serrais les pompes? Non, jamais, jamais. Et surtout qu'on parlera tout à l'heure du permis d'Alice. Et oui. Il se passe des petites choses. Alice ne sait toujours pas faire de credo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Godefroy est à l'arrière, ça va mon Godefroy? Eh nickel, mais j'ai juste eu peur en voyant la coiffure d'Alice en fait. Oh ça va. C'est un petit calamar. Ouais, on dirait qu'il y a un poulpe sur la tête. Ah bah ça va, je vais l'enlever. L'occasion pour moi de vous dire que vous pouvez nous mater tous les soirs en streaming sur le site de funfunradio.fr. On se demande où est Kassim. Sûrement, bah on se voit. Aux toilettes. Ouais, on sait pas ce qu'il fait. Avec qui surtout? Bah voilà. C'est la vraie question. Avec sa main. Ouais, à mon avis c'est surtout ça. Hein. Et Guillaume et Cindy bien sûr du standard, nos deux hôtesses magnifiques qui vous attendent, hein, qui vont décrocher 01 42 48 5000 et qui vont nous passer tout de suite le premier auditeur. C'est l'auditeur du soir, il s'appelle Fabien. Salut Fabien. Karel, salut le Doc, salut Ali, salut tout le monde, vous allez bien? Salut. Ça va bien Fabien, t'as 16 ans et t'es de Rodez toi. C'est ça, tout à fait, hyper content d'être avec vous ce soir. Oh dis donc, tu serais pas animateur radio toi? Ah si, t'as mis de faire quelque chose. T'as quel âge? J'ai 16 ans, je suis animateur radio, ouais, c'est mon dada. Et t'es en quelle classe? En terminale. T'es déjà à 16 ans? Ouais, en radio associative. Non, il te parle d'être en terminale à 16 ans. Ah ben oui, à 16 ans parce que je suis de fin d'année, fin de 99. D'accord. Eh ben écoute, t'es le bienvenu ce soir sur Fun Radio, Fabien. Tu vas faire l'émission avec nous un petit peu, d'accord. Et tu pourras réagir si t'as des trucs à dire. Bah t'hésites pas. D'ailleurs, on va tout de suite accueillir le premier auditeur. Il s'appelle Baptiste. On l'accueille ensemble. Il a 22 ans. Il est de Levallois. Bonsoir Baptiste. Salut Baptiste. Salut Karel. Salut Doc. Salut Alice. Salut toute l'équipe. Salut. Salut à toi Baptiste. Tu nous appelles pourquoi? Bah, je vous appelle parce que, je suis malade et en fait, hier, je regardais la télé, il parlait de remèdes un peu miracles pour soigner tout ça. Et du coup, je voulais avoir votre avis parce qu'il disait de se mettre une gousse d'ail dans le cul. Et du coup, je voulais savoir si ça marche. Ah, bah voilà, un bon remède. J'ai essayé hier soir, ça n'a pas marché. Non, mais alors, déjà, l'ail sur une muqueuse, ça pique. Oui. Les mecs vont se gratter le cul, mais vraiment beaucoup. Qu'est-ce que t'as comme problème, Max? Bah, je tousse et j'ai un peu une voix de merde. Pardon, d'accord. Excusez-moi. Il aura joué. Non, je suis au bout de ma vie. Je vais te dire comment ça se passe. Un rhume traité, ça guérit en une semaine. Ouais. Et un rhume pas traité, ça guérit en 7 jours. Bah, ça revient au même. Bravo, Doc. Bravo. 7 jours et une semaine, c'est la même chose. Bravo. Ah oui, donc ça veut dire qu'en fait, c'est des traitements de confort. C'est-à-dire qu'il faut se drainer le nez, se moucher, éventuellement utiliser des gouttes, prendre un ou deux petits médicaments pour se sentir moins patraque. Il y a un médicament qui n'est pas remboursé, qui doit s'appeler Actifed aujourd'hui, ça marche comme ça. Ça, c'est bien ça. C'est moins pénible. Oui, ça fait dormir, ça. Non. Moi, ça me casse. Oui. Tu prends un café avec, c'est enfin, tu mets dans un café. C'est simplement cool. Purement symptomatique, pour être moins cassé, c'est tout. Moi, j'ai une question, Doc. Une question parce que là, tu vois, j'avais le problème avec la gorge et tout. Et là, je sens que ça commence à être le nez. Et moi, j'ai un vrai souci. Je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi. Et en fait, tu te mouches. Et après, t'as un nez qui ressemble à plus à rien. Ouais, avec des croûtes dégueulasses. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Il faut assurer un lavage avec du sérum Phi, par exemple, pour bien nettoyer la muqueuse. Et drainer. Le drainage et le lavage aident la muqueuse à guérir. Mais les croûtes que t'as sur le nez et tout, là. C'est ce que je viens de te dire. Tu te laves avec du sérum Phi. Du sérum Phi? Mais oui. Tu pourras m'en mettre, Doc. T'inquiète, le mec. Moi aussi, je peux en avoir. Ah, tout le monde en veut. Baptiste, tu veux du sérum? Bah oui, bah s'il peut m'en donner. Je dis pas non, mais après, la gousse d'ail, je me mettrai moi-même, par contre. D'accord, alors, ça ne fonctionnera pas. Hein. Donc, on oublie la gousse d'ail dans le cul. Le blaireau qui a sorti le côté de la gousse d'ail. Enfin, c'est à son donc, je peux lâcher cette gousse d'ail, ça sert à rien. Tu l'enlèves de tes fesses. À la limite, tu la bouffes. Enfin, bon. Baptiste, sors la gousse d'ail de ton anus. Tu sais que l'ail, ça fait aussi pleurer les yeux. Oui. Là, ça va faire pleurer ta verge. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Eh ben, dis donc, je pense qu'on a un Doc en pleine forme ce soir. Jeu de mots. Baptiste, tu reviens quand tu veux, mon poteau. Ouais, pas de soucis, merci à vous. Il a vraiment mis dans son cul, hein. Ça s'entend en plus, hein, sans déconner. C'est un malade, Baptiste. Reste avec nous, Baptiste. Surtout qu'on va accueillir Delphine, 24 ans d'Angers. C'est dans le 49, ça. Bonsoir, Delphine. Bonsoir Karel, bonsoir le Doc, bonsoir Alice. Salut Delphine, quelle politesse, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone, tu nous appelles pourquoi? Moi je vous appelle parce que je suis tombée amoureuse d'une personne qui va partir à l'étranger. D'accord. Ah ouais, non, ça c'est super chaud, hein. Tu commences à être en plein love de quelqu'un mais la personne se barre. Dites-nous si vous avez déjà vécu ça, des relations à longue distance. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone et on va écouter The Parakeet. Vas-y, remets le Godfrey, on va pas gâcher ce son. Moi j'adore, c'est tellement bon. Tu restes avec nous Delphine? Pas de souci. Et d'ailleurs, tu es au courant de ce qu'on va passer, est-ce qu'on a passé toute la journée sur Fun Radio, The Weeknd et Daft Punk? Eh oui. Tu l'as entendu ou pas? Il est génial ce morceau, ouais, il est génial. Découvert ce matin, c'est Bruno justement qui l'a fait découvrir en avant-première, en exclu total. Bruno dans la radio, le nouveau Daft Punk avec The Weeknd après The Parakeet. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my head. Without my change, no freedom, please leave me again. Save me, save me. Kid Save Me sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love, love in fun. 20h, 22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. J'ai parlé de The Weeknd avec les Daft Punk là qu'on va s'écouter là ce soir. Il y en a plein qui nous demandent, mais moi je l'ai toujours pas entendu. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Starboy. Et le son est juste énormissime, franchement, restez bien avec nous, on l'écoutera tout à l'heure dans l'émission. En attendant, on va accueillir Delphine, 24 ans d'Angers. Bonsoir Delphine. Salut Karel, salut le doc, salut Alice. Salut Delphine. Raconte-nous alors, là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Eh ben, moi ce qui m'arrive, c'est que j'ai un bon ami dans mon entourage que je connais depuis un petit nombre d'années, ça doit faire à peu près 5-6 ans qu'on se connaît. Mais le souci, c'est que je suis en train de tomber amoureuse de lui et lui, dans 15 jours, 3 semaines, il s'en va aux États-Unis. Ah oui, ça, c'est la vraie guerre. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Alors, très bonne question. Il va refaire sa vie parce que moi, il m'a toujours dit, et c'est pour ça aussi que je l'appréciais bien, il m'a toujours dit qu'il ne resterait pas en place, qu'il bougerait, qu'il voyagerait. Et bah, c'est, alors, ça fait rêver, mais c'est vrai que quand ça arrive là de suite, dans 15 jours, oui, mais peut-être juste. Plaisir. D'accord. Autre chose importante, il y a lui. Est-ce qu'il est amoureux de toi? Bonne question. Je sais qu'on s'apprécie bien parce qu'on est amis. Non, mais attends, c'est la question à poser. Parce que s'il n'est pas du tout amoureux de toi, tu ne fais pas partie de ses désirs sur le plan amoureux, tu vas tomber amoureux de quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est extrêmement et qui ne sera même pas là en plus. Non, il faut qu'on lui demande. Non, on peut pas l'appeler parce que là, il travaille en restauration, donc ça sera pas possible. Ah, et après, ma question, c'est... Oui, vas-y. Ma question, c'est est-ce que je lui dis, sachant que c'est un peu égoïste, parce que si je lui dis, il va partir avec quelque chose qui le retient ici, mais si je lui dis pas, est-ce que... Qu'est-ce que tu fais comme boulot ici? Lui, il est en restauration moi, je travaille dans la vente. Dans la vente. D'accord. Il a une carte verte, il a quelque chose, il part comment là-bas? Il fait son train-train tout seul, je sais pas du tout moi. Mais attends, tu sais que j'ai éternué, pardon. Les États-Unis, c'est pas la France ni l'Europe, c'est pas une passoire. Donc, je me doute, mais je sais pas comment. Ben, c'est très simple, tu peux avoir un permis de séjour déjà de quelques mois. Après, tu peux demander effectivement de le prolonger éventuellement, mais c'est pas forcément admis. Tu peux demander la carte verte aussi, des choses comme ça. Mais ça tombe pas comme ça tout seul, et tu peux te faire refouler. Faut quand même le savoir. Alors, si tu bosses, si t'as un employeur sympa et qui t'apprécie, voilà. Sauf qu'aux États-Unis, tu peux te faire virer du jour au lendemain sans que personne te dise rien. Surtout, t'es pas sûr de ses sentiments, quoi, tu vois. Ça, c'est pour ce qui est du boulot. Alors, pour le reste, il y a les sentiments. Moi, je pense que si vous avez vraiment des sentiments l'un pour l'autre, c'est pas l'éloignement qui va changer quelque chose. Si vraiment tu l'aimes vraiment, comme tu dis, et que lui là-bas, imagine, je te fais le cas de figure, il a un boulot stable, il est bien là-bas, tu pars, toi. Ah oui, moi, si c'est possible, je pars, oui. Voilà, dis-lui. Il faut lui dire. Bah oui.

Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Offre pour toute commande supérieure à 25 euros, soumise à condition, consultable sur Cdiscount. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Deux superstars, DJ Snake, Justin Bieber et Let Me Love You. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide tous les soirs sur Fun Radio quand il y a un gros souci, une grosse galère. On est là pour vous aider, vous le savez, tous les soirs dans l'émission. Et ce soir, on va tenter d'aider Julien. Julien qui a 31 ans, qui est de Toulouse. Salut Julien. Salut. Oui, bonjour tout le monde, oui. Salut. Bonjour Julien, on est très content de t'avoir sur Fun Radio. Qu'est-ce qui t'amène ici? Raconte-nous. Alors... Et donc c'est parce que je suis grave amoureux de ma meilleure amie, je lui ai déclaré dans ma flamme, et depuis un an que je suis en froid avec elle, et donc là c'est que j'essaye donc de la récupérer en tant qu'ami. D'accord. Détends-toi, t'es un peu bègue, non? Un petit peu. C'est pas grave, c'est juste pour comprendre. Moi j'ai les pieds plats. C'est pas grave du tout, mais on comprend mieux quelquefois. Voilà, c'est ta façon de t'exprimer, c'est parfois un peu dur. C'est pas grave. On résume en fait, Julien. T'as déclaré ta flamme à ta meilleure amie et elle a pas trop apprécié, donc du coup elle veut même plus entendre parler de toi en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comment t'as fait ça? Donc tout simplement parce que juste avant que l'on s'embrouille. On se voyait tous les jours et je prenais plaisir à la voir. Ouais. C'est qu'on passait donc de bons moments ensemble et puis un soir ça m'est venu. Tu lui as dit je t'aime? Non, pas du tout. T'as mais parce que je lui ai déclaré Donc c'est ma flamme, et donc c'est avec une bague de fiançailles. Ah ouais, carrément. Ah oui, ah bah, t'es peut-être allé un peu vite, non ? Ça fait peur. Trop vite peut-être, mais parce que c'était pour lui prouver que je tenais... À elle, quoi. Tu sais, les sentiments, c'est pas quelque chose de matériel, hein. Bah oui, mais moi, c'est une preuve d'amour. Ouais, il a pas tort. Ouais, bon, ouais. D'accord. Il a pas tort. Mais c'est vrai que, voilà. Pourquoi elle t'a acheté la bague au visage et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a prise? Pas du tout. Mais parce qu'elle aurait. Comment ça? Et donc, c'est qu'elle m'a dit qu'il aurait fallu que l'on sorte ensemble. Oui, c'est vrai que c'est le début, normalement, avant d'offrir une bague. Hein. Il vaut mieux faire des petits bisous avant. Alors, Julien, aujourd'hui, ce qui est con, c'est que du coup, tu la vois plus. Mais est-ce que tu veux être ami avec elle ou est-ce que tu veux encore sortir avec elle? Eh ben, moi, ce que je souhaiterais d'abord, donc, c'est la retrouver en tant qu'ami. D'accord. Pour que, après, pour que dans quelques mois ou dans quelques années, pour lui déclarer dans ma flamme. Julien, on va lui passer un petit coup de téléphone. Elle s'appelle Joy. Est-ce que tu veux lui parler ou est-ce que tu veux qu'on lui parle? Je suis assez hésitant parce que j'ai peur donc de ça. Non, mais si on l'appelle pas, il se passera rien de plus pour toi. Ah, si on l'appelle, au moins il va se passer quelque chose. Donc arrête d'être hésitant. Tu as été assez fort pour lui tendre une bague. Tu peux bien être ce soir assez fort pour. Oui. Allez, c'est parti. Allô? Salut Joy, c'est toi? Oui. Ça va? Oui. Salut. Excuse-moi de te déranger, Joy. Je m'appelle Karel, en fait. Je suis avec un pote à moi, il s'appelle Doc. Et, salut. Une bonne copine qui s'appelle Alice. Salut. Et on est sur Fun Radio, Joy. Voilà. D'accord. Okay. Alors après RTL, c'est Fun Radio. Okay. Ah bah parce que RTL t'a appelé? Non, c'est pas ça, en fait. C'est que RTL devait l'appeler ce soir pour gagner un cadeau. C'est ça, Joy? Ah oui, bien sûr. Oui. Exactement. En fait, c'est ce qu'on t'a dit. Comment vous êtes au courant? C'est ce que Guillaume du Standard t'a dit pour que tu puisses décrocher ce soir parce qu'on avait quelque chose à te dire d'important, Joy. Te demander aussi. Voilà. On d'accord. C'est pour aider quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui s'appelle Julien et que tu connais. Oui, je m'en doutais que c'était à cause de lui qu'on m'appelait. Ah, c'est pas grave, c'est sûr, peut-être. Bon, il nous a raconté l'histoire. Depuis un an, tu es fâché avec lui parce qu'il t'a fait une déclaration un peu fracassante, on va dire les choses comme avec ça. Avec une bague et tout. Avec bon, une bague, sûr, ça ne t'a pas plu du tout. Et depuis, il est toujours à espérer. Est-ce que tu pourrais donner ta version des faits, ce que tu penses de cette relation? Alors, ce que je pourrais dire sur ça, c'est pas parce qu'il m'a fait sa déclaration. Déjà premièrement. Deuxièmement, le premier moment où on a été amis, je lui ai dit c'est soit on est amis, soit il n'y aura rien du tout. Donc il aurait dû comprendre de la base. D'accord. Moi je suis quelqu'un de cash et je ne veux pas perdre mon temps. Il a passé son temps, ça fait un an et demi qu'il n'arrête pas de marceler, en train de m'appeler, de me laisser 50 000 messages à venir chez moi. J'ai dû déménager et tout ce qui s'ensuit. J'estime qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même le droit d'avoir un peu la paix. Julien, là, ce qui vient d'être dit est une autre version. Tu la harcèles. C'est très clair. Ben attends, ça c'est... Oui, c'est... Ah ben oui, ça ne se oui, fait un pas. Petit peu, oui, un petit peu, oui. Un petit peu, beaucoup. Il faut que tu arrêtes. Tu sais que c'est condamné par la loi, ça. Oui, ça je sais. Non mais il faut que t'arrêtes. D'abord, ce n'est pas possible. La relation n'est pas possible. C'est dur, Julien, mais il faut le comprendre. Tu vois, Joy, elle a peut-être même un peu peur de toi, quoi. Tu vois? Non mais elle n'a pas envie, c'est tout. Oui, et j'ai même appelé sa grand-mère pour que ça s'arrête. Alors ça s'arrêtait un petit moment, mais ça n'a pas marché, on dirait. Julien, moi je crois qu'il faut que tu continues à voir le psychologue parce que tu as une fixation sur Joy. Qui te fait du mal et qui, d'ailleurs, par ricochet, fait du mal à Joy. Donc, tu n'as pas d'autre solution que d'aller parler de ce problème parce que cette fixation amoureuse que tu as sur elle est effectivement extrêmement perturbante et pas du tout productive. Tu n'as aucun espoir à avoir. En revanche, je comprends que tu le vives mal, je comprends que tu sois dans la souffrance, mais il n'y a qu'un psychologue qui, en t'écoutant, peut te faire prendre conscience de l'irréalité de cette relation et de cette nécessité de passer à autre chose et peut-être justement de te construire dans ta vie, ton métier, tes activités, enfin bref, de passer vraiment à autre chose. Julien, il faut que tu le fasses. Ouais, mais bon. Là, il n'y a pas de moyen. Bon, écoute, si t'as pas, écoute, moi je vais te dire, plus personne ne va t'aider. Parce que si tu ne veux pas écouter, moi je comprends ta souffrance, hein, je ne la rejette pas, ta souffrance. Tu nies les choses. Et Joy, qu'est-ce que tu en penses de ce que vient de dire Doc, là? C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Après, c'est lui rendre service de ne pas lui parler et de l'ignorer, parce que sinon, il ne va jamais avancer, il va rester tout seul dans sa vie. Je pense que tu as totalement raison, parce que lui, il te dit amitié, mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et voilà, et ce n'est pas la peine de... Il faut vraiment qu'il comprenne que toute relation est impossible avec toi. Voilà, Julien. Merci beaucoup, Joy. Et Julien, j'espère que tu vas continuer de prendre soin de toi et comme oui. te l'a conseillé Doc, d'aller voir un psy. Ouais, mais bon. Oui, mais bon. Est-ce que c'est possible donc d'avoir Joy donc c'est à part... Non, elle veut pas, Joy. Tu sais que... Arrête, Doc, tu me fais peur. Non, mais attends, je vais lui faire comprendre. Joy, il faut pour l'aider et à un moment donné. Si vraiment il est trop insistant, il faut déposer plainte pour harcèlement. Ça va le calmer direct. Hein. T'as envie d'avoir une plainte ? C'est ce que je lui ai dit il y a 3 jours. Julien, t'as compris ça ? Oui. Tu veux une plainte pour harcèlement ? Oui, mais j'ai pas envie d'avoir ça. Eh ben, tu risques d'avoir ça si tu continues. Voilà. Non, mais attends. J'ai déjà prévu il y a 3 jours. Non, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien là. T'as tout cassé. Donc va trouver d'autres amis et surtout va te prendre. C'est sûr, mec. Hein ? Parce que là, Joy, elle n'en peut plus. Bon, eh ben écoute, je te remercie en tout cas beaucoup Joy pour d'avoir décroché, d'avoir parlé avec nous. Et Julien, on t'a donné plein de conseils. C'est ce que tu voulais justement, des conseils pour que ça aille mieux. Nous, on a vraiment envie de t'aider. Donc j'espère que tu vas les appliquer. D'accord ? Ouais, ok. Salut Julien. Bon courage Julien. Salut Julien. Salut. Ciao, ciao. 01 42 48 5000. On a reçu un petit message là, Alice. C'est un message de qui ? Un message d'Arnaud et il nous dit en fait à chaque fois qu'il veut annuler un rendez-vous, il n'arrive pas à assumer et il sort toujours une excuse bidon pour esquiver le rendez-vous. Donc il se demande s'il y a d'autres personnes dans son cas et surtout pourquoi on ment comme ça. Ah, pourquoi on ment et des idées d'excuses un peu bidon aussi. Hein. C'est ce qu'on cherche là. 01 42 48 5000. Venez nous dire si vous avez déjà mis des vents et en attendant, voici Maître Gims. Quand tu passes au quartier, tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigade Gassabali. Pousse-toi de la l'inspire, passe par ici. C'est plus Denis, mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, mais ça va de soi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, tout les gens. Yeah. Maître Gims sur Fun Radio avec Boucan. Jusqu'à 22h. In. Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Lovin' Fun sur Fun Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio. Ici, vous apprenez plein de choses. C'est vrai, on a un homme de science, un homme de médecine. Oui. C'est Doc qui est avec nous. Oui. Mais comment va Katoche, Doc? Très bien, merci. Tu l'as vue hier soir? Je vis avec elle. Vous avez mangé quoi hier soir? Bonne question. Pourquoi tu me poses cette question? Je sais pas, j'ai envie de savoir. Bah écoute, non, parce qu'en fait, je suis allé. Non, elle était. Comment dire? Au bois. Non, du tout. Mais si, tu nous as dit hier. Non, elle participe à des soirées caritatives pour donner à manger à des pauvres. Ça vous intéresse? Oh putain, mais... Elle est parfaite. Elle est parfaite. Ouais. Elle est parfaite. Et donc, je suis allé la chercher, voilà. D'accord, ok. Non, c'est parce que j'avais rancœur avec elle hier soir. Non, je pense pas. Et puis, on s'est arrêté, effectivement, porte d'Auteuil pour boire un café. À 22h30. Ça te va? D'accord, ok. Oh, sympa. C'est bon. Et vous avez rien mangé hier soir? Là, du coup, si, en rentrant, mais elle avait dîné avec ces gens-là. Mais voilà. Un café à 22h30, c'est pour être sûr de ne pas dormir quand vous rentrez? Bah, c'est ça. On prend toujours du café le soir avant de se coucher. Ah, bah ouais. Et se voir quoi d'autre? Bah, après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez le feu. Tout de suite, tu veux savoir. Attends, moi, j'ai une petite question. C'est-à-dire que vous regardez la télé tous les deux? Non, jamais. Vous allez vous coucher? Vous lisez ou vous faites des trucs? On se parle. On se parle? Oui, Ken aussi. Ouais, je pense aussi. Bah, ouais. Oui, tu lui lis des poèmes. Ah. Oui, c'est ça, des poèmes d'amour. Oui. Bien sûr, 01 42 48 5000. Vous continuez de nous appeler là au standard. On a reçu un message, on va parler et on va vous donner plein de petits conseils là pour les rancards. On veut pas y aller. Hein. On invente des mythos, c'est ça, Alice? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, Arnaud, lui, il a un gros problème. C'est qu'à chaque fois qu'il veut esquiver un rendez-vous, il n'arrive pas à assumer et il balance toujours une excuse bidon, mais qui est limite encore pire que de dire la vérité. Donc, il se demande pourquoi il esquive toujours comme ça et pourquoi il assume pas. C'est pas ça, c'est que d'abord, on se ment à soi-même et les gens découvrent toujours ça, parce que l'excuse bidon, ça se voit. Bon. Ah, c'est clair. Le côté, je suis tombé en panne, j'ai raté, machin, le métro est tombé, enfin tout ça. Non, la gastro, ça marche, Doc, à chaque fois, hein, je te jure. Mais j'ai la chasse, ça marche. Ouais, bah j'ai une bonne gastro. Là, t'oses pas poser de questions, quoi. C'est ça, ferme ta gueule. Une fois, deux fois, trois fois, ça marche pas. Ah, bah ça, voilà. C'est sûr. Code froid à l'arrière, tu veux dire un truc? Il lève la main. Non, t'as juste un petit truc. C'est un peu de mouchoir, c'est ça. Ah. C'est ça. Ça va. Bah, j'ai le nez qui coule. Hier, c'était la gorge, c'est le nez qui coule. On fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Alors, on a Dune qui est avec nous. Bonsoir, Dune. Bonsoir. Salut, Dune. Salut, Dune. T'as 19 ans, t'es de 3. Oui, c'est ça. Bienvenue, Dune. Merci. Est-ce que tu vas à tes rendez-vous dès que t'en as un, ou au contraire, parfois, il t'arrive d'inventer un gros mytho? Eh ben, en fait, j'ai eu qu'un rendez-vous. Et donc j'y suis allée, mais il a vraiment foiré. Donc je vais vous raconter. Vas-y. Donc en gros, j'ai rencontré le gars sur un site de rencontre. Ouais. Et du coup, bah au vu de ses photos, il me plaisait vraiment. Ah, le beau gosse. Voilà, ouais. Ouais, vraiment. Et du coup, on s'est dit on va se rejoindre en ville, on va boire un verre ou je sais pas quoi. D'accord, oui, bien sûr. Enfin bref. Et alors, là, tu le vois, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je le vois, et c'était pas vraiment le même mec que sur les photos, quoi. C'est-à-dire, il était différent, c'était pas le même garçon, en fait, tout simplement. Ah bah, de 25 ans à 50, ouais. Ah oui, quand même. Ah oui. Oh là là, putain, le drame. Mais là, tu te casses, là, t'as même pas à t'excuser, quoi. Enfin, je veux dire, tu ressens pas du tout la photo, donc salut, quoi. Donc, non, du coup, non. Là, t'as fait quoi? Il m'a quand même proposé de boire le verre. Bah, c'est normal. Il voulait pécho. Pour rester poli, je lui ai dit, bah ouais, ok. D'accord. Du coup, on va dans un bar. Ouais. Et juste avant que la serveuse vienne prendre notre commande, je lui dis, oh, je suis désolée, il y a ma mère qui vient de me téléphoner. Elle est coincée dans notre maison parce qu'elle a perdu la télécommande du portail. Ah, c'est pas mal ça. Et tu t'es barré. La télécommande du portail. Ah ouais, voilà. Tu t'es barré. Voilà, du coup, je me suis barrée, ouais. Mais il y a une technique qui est infaillible, c'est-à-dire que vous prévenez un pote ou une copine et qui vous appelle pour vous dire justement qu'elle a une urgence, quoi. Là, c'est très crédible parce que t'as vraiment la personne au téléphone et la personne qui est en rendez-vous avec toi, elle l'entend, quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Et c'est que le mec, il a pas froid aux yeux, c'est-à-dire qu'il l'invite à prendre un pot en disant « je vais quand même réussir à la coincer ». C'est ça, c'est ça. Mais ça arrive de plus en plus souvent. Hein. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé. C'est-à-dire que généralement, quand tu vas sur Tinder et tout machin, enfin toutes les applications, tu mets ta plus belle photo, quoi. Même genre celle qui date d'il y a 10 ans, quoi, parce que t'étais beau. Voire plus. Voire plus, ouais. C'est ça. Bah lui, il a mis la photo quand il avait 20 ans. Il en a 50, le gars, quoi. tu m'étonnes, Dune. T'as bien fait de partir. Hein. En plus, ça se trouve, c'était peut-être un mec un peu chelou. Émeric est avec nous. Bonsoir, Émeric. Bonsoir. Salut. Salut Karel, salut le doc, salut Alice. Salut. Salut Brick, t'as 29 ans et t'es à 3. Et toi, tu vas à tes rendez-vous ou il t'est déjà arrivé de dire ouais, ça va pas te poster, madame? Non, il m'est déjà arrivé d'en planter une ou deux avec la petite porte sensible, on va dire, de la famille. C'est bah, la grand-mère, elle est malade. Bah, la grand-mère, non. Ceci. Bah, si, on joue un peu sur les sentiments. Sa grand-mère est toujours très malade. La grand-mère est toujours morte. Ah non. Ouais, bah, non, mais elle est tombée malade 20 fois. Elle est tombée dans l'escalier 17 fois. D'accord. C'est un peu délire. Dans ces cas-là, comment t'arrives à donner cette excuse? T'as genre un coup de téléphone qui arrive ou tu lui balances ça comme ça? Comment ça peut arriver? Non, bah on met ça comme ça par message, hein, tant qu'à faire. Quitte à faire les choses à l'arrache, autant les faire jusqu'au bout. Hein. On lance un message, je peux pas, j'ai un empêchement. La grand-mère ceci, la grand-mère cela, et puis voilà. Quoi. Eh ben dis donc, je sens que t'as une beaucoup d'expérience, Émeric. Hein. Bah, hein? Ça m'est arrivé quelques fois, ouais, fut un temps. Ah bah maintenant, ça y est, t'as une femme. Ouais, maintenant, j'en profite pour faire une petite dédicace à Alison, ma chérie, qui m'écoute sûrement. Et voilà, je suis bien, je suis rangé, on arrête les conneries, quoi. Il y a plus, tu dis ça parce qu'elle écoute. Ouais, non, c'est ça, ouais. Ouais, puis tu dis ça parce que t'as pas rencontré une autre nana qui pourrait te plaire. Hein. N'importe quoi. Non. Déconne. On est rangé, c'est fini maintenant, c'est fini les conneries. Bravo. Et comme quoi, les filles bien, qui nous écoutaient, là. Il y a des mecs qui sont fidèles, bordel. Putain. Oui. Il en faut. Et bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Lila est avec nous. Bonsoir, Lila. Salut. Bonsoir. Lila. Ça va, Lila? Salut. Très très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Lila. Ah là là. Bah, j'ai plus de voix. Lila, toi, est-ce que t'as déjà planté des mecs? Malheureusement, oui, et plus d'un. Ah ouais, quel succès. Ah bah ça arrive. Tu fais comment? Ouais. Je fais comment? Bah, je trouve des excuses selon mon imagination sur le moment et voilà. Des fois, ça peut être bah, oui, une gastro, ou des fois, bah, comme je vous en parlerai après, la pire excuse que j'ai trouvée, quoi. C'est quoi? Bah, la pire excuse, c'est que j'ai utilisé la mort de Michael Jackson. Attends, c'est énorme, ça. Tu peux l'utiliser qu'une fois. Voilà. Ah oui, ça, c'est plus qu'à qu'une fois, mais comme je l'ai dit, c'était sur le moment. Ouais. Et c'était ce jour-là qu'il est mort. Et... Ah, tu lui as dit quoi exactement? Tu as dit, putain, j'étais trop fan, faut que j'aille faire le deuil. Ah ouais, putain. Donc, en fait, c'était déjà en fait, on avait fait un apéro bah, avec plein de collègues ensemble au lycée, c'était presque bientôt la fin de l'année. Et puis bon, on avait pas mal picolé tout le week-end, et puis il me dit, allez s'il te plaît, j'ai trop envie. Déjà, il arrêtait pas de me faire des propositions, mais bon, je dis, ouais, mais j'ai pas le temps, enfin parce que bon, avec mon travail et tout. Et puis là, ce soir-là, je dis, ok, pas de soucis, quand tu veux, et puis voilà. Et on s'était mis sur une date d'accord, et puis ce jour-là, le jour arrive, et puis il m'envoie un message le matin, enfin dans l'après-midi, en me disant, en fait, m'oublie pas, c'est ce soir, tu vois. Et je fais oh merde et tout, il dit bien, il faut que je trouve une excuse, je vais pas y aller. Et puis c'est le gars en fait à qui on peut pas dire non, mais qui est trop relou, quoi, d'un côté. Et puis là, j'étais devant la télé, et puis enfin, il y avait le truc, enfin aux informations de la mort de Michael Jackson, quoi. Et elle est là, putain l'aubaine. Ah c'est l'aubaine, je fais merci Michael. Ah putain, merci Michael. I love you Michael. I love you Michael. Non, enfin bon, j'étais triste quand même. Bon, même si c'était pas enfin, j'étais une fan de ses musiques, mais bon, après, je suis pas non plus la fan inconditionnel qui a pleuré comme une madeleine pendant voilà. Et du coup j'attends, je prépare un petit peu mon truc, je le mets en condition et tout ça, bon, un peu pour stimuler quoi. Et je l'appelle un peu genre les larmes à l'œil, le nez un peu. Oh la comédienne. Et tout. J'ai fait non mais je sais pas si t'as vu les informations et tout, mais je pourrais pas venir ce soir, et la mort de quelqu'un que ça m'a trop bouleversé. Puis là lui grave, il croyait que c'était peut-être quelqu'un de ma famille, enfin voilà. Puis non, c'est Michael Jackson. Et puis là, il y a eu un petit blanc, quoi. Le mec, il a presque envie de se dire, attends, est-ce que c'est ma gueule ou c'est du vrai? Je pense que tu te foutais de sa gueule. Ah non, mais c'est fort. Non, mais en même temps. Je ne l'écoute pas parce que sinon, bah là, c'est sûr, il le sait, je suis. Mais c'était un. Non, mais je comprends, moi, Lila, c'est un truc de dingue. On se souvient tous de ce qu'on faisait le soir de la mort de Michael, c'est vrai. Hein. Non, pas vous. Alors, non. Moi, pas du tout, quoi. Ah si, moi, je me souviens, j'étais chez moi et tout. Et d'ailleurs, j'étais tombé sur une info, quoi, tu vois. Et je revois ce moment-là, quoi. Il y a des dates comme ça qui sont importantes. T'as pas dit que t'as été traumatisé, c'est... Franchement, la mort de Michael, putain, j'étais super fan, j'étais vraiment sur le cul, quoi. Ouais. Je fais le moonwalk comme personne, je te montre un jour. Bon, notre auditeur du soir, je suis sûr qu'il a déjà mis des vents. Fabien, t'es là? Oui, je suis là, et là, le vent, mais je vous raconte tout, là, vous allez mourir de rire. Vas-y. Ah bah attends, faut jamais commencer un truc en disant tu vas mourir de rire. Hein, ça, avant. C'est une règle, mais après, si t'es très drôle, on va mourir de rire. C'est parti. Bah alors, le truc, c'est qu'en fait, j'avais rendez-vous avec une fille qui s'appelait Olga. Et j'arrive, en photo, on s'était rencontré sur l'OVO et l'application. Bon, elle était jolie en photo, on avait matché et tout, on avait papoté, puis on se rencontre dans un parc. et je la vois au loin, je me dis, putain, c'est elle. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle est moche, et je me rapproche, qu'est-ce qu'elle est moche, mon Dieu. Oh mon Dieu. Et puis, j'arrive, on se fait une bise, et je fais genre d'être pas bien, et je fais genre de venir, d'en recevoir un coup de fil. Je suis pas bien du tout, mon frère est à l'hôpital, il est pas bien du tout, on vient de m'appeler, il faut que je cours à l'hôpital. Faut pas dire ça. Ah, mais non. Désolé. Et le pire du coup, c'est quand je suis parti, j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, mais le pire du pire, c'est que mon frère s'était vraiment retrouvé à l'hôpital, ça porte malheur, ces conneries, il ne fait pas. Ouais, c'est ça. Eh ben voilà, eh ben tu l'as bien cherché. Qu'est-ce qu'il avait ton frère? Oh, un petit truc au ventre, c'était pas bien grave, mais ça va inquiéter mes parents pour l'emmener aux urgences quand même. Eh ben Fabien, on est mort de rire, bravo, bravo Fabien, bravo. Il utilise son frère à l'hôpital. Et Audrey, t'es là? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Audrey, c'est quoi ton excuse à toi, Audrey? Moi demain, en fait, j'en ai pas, je fais la morte. Comment ça? Tu n'existes plus? Je réponds plus au téléphone, oui. Je réponds pas au message. J'existe plus. Au moins deux jours. Je trouve une excuse. On appelle ça faire du ghosting. Mais c'est vrai, ça existe vraiment. Ouais. Le ghosting, c'est en fait, tu donnes plus de nouvelles. Du jour au lendemain. Mais sinon, mais c'est moi, les gens qui sont plus, ensemble. Je fais la morte. Hein, bah voilà. Le temps du fantôme. Exactement, c'est ça. Bah bravo. Audrey, j'espère que tu vas rencontrer la personne qui va te faire changer. Bah là, ce soir, j'ai un rendez-vous, donc on verra bien. Oh putain. Rendez-vous à quelle heure? 21h. Tu es sûr que c'est pas un fantôme? On peut pas. C'est pas un fantôme, non? Non. On peut t'appeler à 21h15. Genre, si le mec il te plaît pas, on utilisera une fausse excuse, d'accord? On fait ça? Ça me va. Tu diras que tu dois passer à la radio et on lui parlera, d'accord? Ça marche. Donc, je peux passer une petite dédicace? Tu la passeras tout à l'heure, ma chérie, parce qu'on va t'appeler, d'accord? Tu restes avec nous. Ah, ben d'accord, à 21h15, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va appeler Audrey dans un instant, qui va avoir son rencard, et on va peut-être lui donner une excuse pour s'échapper. Et on aura aussi le défi Fallait pas demander de Brian, 17 ans, de Nancy, qui va appeler sa maman, et qui va lui demander: maman, est-ce que t'as déjà fait des partouzes? Restez avec nous, c'est Fun Radio et Martin Garrix. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Allô? Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Oui, c'est exactement ça, Droppy. T'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Mais je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25€, ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20€ en bons d'achat et 50€ en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. libre de ne payer aucun frais de tenue de compte et libre de profiter d'une carte bancaire totalement gratuite. Libérez des frais, en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 euros offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Voir détails des tarifs sur brochure tarifaire. Offre valable jusqu'au 12 octobre 2016. Détails de l'offre et des services sur boursorama-banque.com. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Fun Radio. Me regarde, le paysage, l'odeur, les gens, tout ça me charme. Ma grand-mère me dit Alpha, t'es le bienvenu chez toi. La fille du voisin aimerait se fiancer, faut financer. Jolie Mariam, Mariam, je te connais comme si t'étais ma terre natale. Ce soir, je suis invité à manger chez ma tata. À genoux autour d'un plat, c'est ça ma table. Aïe aïe aïe. Bienvenue chez moi, là où les gens partagent tous le même toit. Si tu sais pas où dormir, on te reçoit. Tous ensemble du matin jusqu'au soir et dans la joie. Bienvenue chez moi, là où les gens partagent tous le même toit. Si tu sais pas où dormir, on te reçoit. Tous ensemble du matin jusqu'au soir. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Bienvenue chez moi. Chez moi, chez moi. Là où les gens partagent tous le même toit. Chez moi, chez si moi. Si tu sais pas où dormir, on te reçoit. Chez moi, chez tous moi. Tous ensemble du matin jusqu'au soir. Continent africain, le message reste le même. Je suis chez moi, je suis un être humain comme toi, éternellement insatisfait. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000. On va accueillir Jérémy, il a 24 ans de Laval. Bonsoir Jérémy. Salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut Jérémy, tu nous écoutes 94.5, hein, c'est la fréquence du côté de Laval. T'appelles pourquoi toi Jérémy? Moi j'appelle parce qu'en fait, depuis le 11 avril 2011, ouais. Je n'ai eu absolument aucune relation ni aucun contact corporel, on va dire, avec une femme. D'accord, ça fait donc 5 ans et demi. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment tu vis? Tu bosses? Tu sors? Tu vas en boîte? Tu vas au resto? Tu trouves des amis? Comment tu vis? Et te branles? J'ai trop boulot dodo en fait. Bon, là, le problème est là. Je crois que tu es trop isolé il faut essayer de comprendre pourquoi tu es ainsi isolé. Parce qu'à ton âge, on se débrouille quoi, pour sortir le soir, aller dans un endroit où il y a des jeunes, parler, au boulot ou je ne sais où, on se trouve des amis, tu comprends ? Toi, tu restes dans ton coin, tu ne bouges pas. C'est juste un constat. C'est cette question qu'il faut te poser. À partir de là, bien sûr que tu ne vas pas tomber de fille d'abord. Hein. C'est évident, elle ne va pas tomber du ciel. Hein. Elle ne va pas tomber le jour de Noël dans la haute du Père Noël. Hein. Ah, oui. Imagine une de ta porte. Moi, je voudrais savoir pourquoi. T'es pas un peu déprimé pour être comme ça ou t'es quelqu'un qui est en général assez renfermé, qui communique mal? Oui, j'ai énormément de mal à converser avec les gens. Alors, tu vas aller voir un bon psychologue, psychothérapeute, et je crois que cela est ton problème. C'est qu'en fait, tu as pas confiance en toi, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. Ouais. Comment c'était avec tes parents? Moi, pas vraiment de relation fusionnelle, on va dire. Tu as souffert, tu as un manque d'amour? Si je suis en manque d'amour, j'en suis pas forcément conscient, en tout cas. Mais avec tes parents, est-ce que tu considères que tu étais en manque d'amour, puisque tu dis que c'était pas fusionnel? Oui, totalement, oui. Parce que mon père, voilà, pendant mon enfance, il était pompier, donc pas forcément très présent. J'étais chez sa mère, donc ma grand-mère. Et ma mère m'a abandonné à l'âge de 4 ans. Tu aurais dû commencer par ça. Et voilà. Tu aurais dû commencer par ça. D'accord? Parce qu'effectivement, quand on a vécu un traumatisme, car c'est un traumatisme pour un enfant. Une maman qui abandonne son enfant pour des raisons qui ne sont pas condamnables. Je ne suis pas en train de la condamner. Des raisons qui lui appartiennent et tu ne les connais pas, bien évidemment. Mais ça peut traumatiser un petit garçon, ce qui fait que dans ta vie, ça crée une perturbation. Tu as compensé comme tu pouvais. J'insiste, tu devrais aller voir un bon psychothérapeute pour refaire un peu cette histoire familiale et finalement reprendre confiance en toi. D'accord ? Ouais, bah... okay. Après, je connais une petite raison par rapport à ma mère. Vas-y. Bah, c'est tout simplement parce qu'elle voulait me protéger de mon ex-beau-père, on va dire, qui était très violent avec elle. Elle est partie de là pour me laisser. Mais après, le fait qu'elle ait changé de région et qu'elle donne aucune nouvelle à personne ni rien, ça par contre, je sais pas. Donc en fait, elle a quitté, elle a préféré son compagnon violent à toi, d'une certaine façon. C'est comme ça que tu le vis. Ouais, je pense que ça vient un peu de ça. D'accord. Aussi. Bon, écoute, tout ça, c'est à revoir parce que tu as vécu des choses difficiles. Tu as vécu avec ce beau-père un peu? Oui. Et j'ai subi un traumatisme à cause de lui aussi. Ah bah tu peux peut-être nous dire plus là-dessus. Bah en fait à cette époque-là, ma mère habitait dans un studio et j'étais déjà en garde partagée. Mmh. Oui. Et je me suis levé une nuit pour aller aux toilettes normales quoi. Et là mon ex-beau-père, qui s'appelle comme mon père d'ailleurs, s'est levé et m'a fracassé la tête contre le bord des chiottes. Pourquoi ? Et depuis, je porte des lunettes. Parce que, selon lui, je faisais trop de bruit en allant aux toilettes. Voilà, tu vois, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, c'est bien que tu puisses en parler ce soir. Je pense que c'est excellent. Parce que ce que tu as vécu est extrêmement traumatisant. Peut laisser, bien sûr, des séquelles, même si ta mère a pris la meilleure des décisions. C'est-à-dire que tu ne sois plus en contact avec cet homme violent qui t'a fait beaucoup de mal. Mais bon... au prix de ne plus l'avoir, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc il faut que tu ailles voir un bon psychothérapeute, que tu reviennes là-dessus, et que finalement tu reprennes un peu confiance dans la vie, un peu de joie, et que tu aies envie de vivre pleinement. D'accord ? D'accord. Et c'était bien que ce soir, sur cette antenne, tu viennes nous dire cela. Ok ? Ok, merci Doc. Bon merci courage. Salut. Salut Jérémy, bon courage à toi. Merci. 01 42 48 5000. Dans un instant, on sera avec Brian, 17 ans de Nancy. Bonsoir, Brian. Salut Karel, salut Doc, Salut à toi, Brian. Ce soir, avec toi, on va faire le défi Fallait pas demander. Défi Fallait pas demander pour repartir avec le jeu No Man's Sky. Qu'est-ce que tu vas poser comme question, toi? Je vais demander à ma mère, est-ce qu'elle aime les partouzes? Voilà, alors, le but du jeu, c'est de l'énerver. Je pense que t'es bien parti, Brian. Restez avec nous. Voici Martin Garrix, In the Name of Love. This was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love. trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. And it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy. Martin Garrix, In the Name of Love sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs avec le défi Fallait pas demander ce soir pour jouer avec nous. C'est Brian, il a 17 ans, il nous appelle de Nancy. Salut Brian. Bonsoir Karel, bonsoir Aldo, bonsoir Alice, bonsoir toute l'équipe. Bienvenue. Salut. Brian, on est très content de t'avoir ce soir. C'est ton grand défi, fallait pas demander. C'est poser une question que normalement bah, tu n'oserais pas poser. Et tu vas la poser à qui cette question? Je vais la poser à ma mère et je vais lui demander, maman, est-ce que t'aimes les partouzes? Ah. Ok. Ok, d'accord, pas de problème. Pourquoi tu penses qu'elle a déjà fait? Ah ben je pense, ouais. Ah ouais? Oh, sérieux? Vas-y, raconte. Non, raconte pas. Brian, on va lui passer un petit coup de téléphone, c'est parti. D'accord. Tu lui poses la question, si t'arrives à l'énerver, tu repars avec No Man's Sky, d'accord? Ok, super. On y va, Brian. Oui, allô? Oui, maman? Oui, mon gros. Ouais, j'ai une question. Est-ce que t'aimes les partouzes? Ah non, j'aime pas les partouzes. Je suis avec des potes, ils te trouvent bonne, ils peuvent venir à la maison? Non mais c'est quoi? Et comment tu me parles, Brian? Allez, fais pas la timide, un plan avec des jeunes, ça devrait le faire, non? Ça te ferait plaisir. Dis donc, Brian, t'arrêtes toutes tes conneries un peu? Tu peux me repasser maman, s'il te plaît? Oui, mais t'arrêtes tes conneries, hein. Ouais, repasse-moi maman. Oui, allô? Oui? Tu préfères chacun leur tour ou tous en même temps? C'est Ulysse, hein. Ouais, mais demande à maman si elle préfère chacun leur tour ou tous en même temps. Je veux pas te dire ça à maman, t'es pas bien, toi. Qui se calme maintenant. Il a dû faire un pari avec un copain ou une connerie comme ça. Hein. Mais non, c'est pas un pari, je pose vraiment la question. Allô? Allô? Ouais, oui, salut, c'est un copain, Brian. C'est moi qui suis amoureux de Christelle, sa maman. Tu peux me la passer? Oui, je suis là. Ah, bonsoir Christelle. Bonsoir. Je suis un copain, Brian. Et puis? Bah c'est moi qui lui mets toutes ces idées en tête parce que moi j'adore les partouzes. C'est ton mari? Oui, c'est mon mari que j'entends derrière. Si tu veux, il peut mater, il peut prendre des photos, des vidéos. Mais c'est quoi cette connerie, franchement? Christelle, Cricri. Oui. Je t'ai déjà vu à poil. C'est vrai? Ouais, Brian, il a pris des photos de toi sous la douche. Il me les a montrées. Ah bah dis, c'est bien, bravo. Christelle, t'es trop bonne. Ouais, tu crois? T'es belle. Il faut peut-être essayer avant de dire que je suis bonne ou je suis belle. T'es belle. Ouais. Alors, on fait un truc? On fait un truc, ouais, c'est ça. D'accord. Bah viens chez mon mari. C'est vrai? Je peux venir? Eh ben, viens. Vas-y, c'est pas de problème. Passe-le-moi, je vais lui demander si je peux. Bah ouais, tiens, je te passe, passe-le-moi. Y a pas de problème. C'est quoi son petit prénom? Allô? Allô? Oui. C'est quoi ton petit prénom? C'est quoi mon petit prénom? Ouais. Elle tient, c'est quoi? Moi? Je m'appelle Brian. Tu t'appelles Brian? Oui. Ah, comme, non, je crois pas. Comme ton fils. Non, je crois pas que t'es issu de mon sperme. Ah mais non, mais moi je m'appelle Brian comme ton fils, c'est mon prénom. Oui. Ah ouais, ouais. Tu peux m'appeler Jonathan si tu veux aussi. C'est mon deuxième prénom. Est-ce que t'es d'accord pour qu'on fasse une partouze avec ta femme? Oui. Ah super, on peut venir à plusieurs. À 10, 15 même. C'est vrai? Ouais, sans déconner. Oh. Ah, tu sais qu'on est nombreux ici. Ah oui, à Fun Radio, bah oui. Ah bah oui, à Fun Radio. Je t'écoute tous les soirs, alors. C'est pour oh putain, que... sans déconner. Avec le doc, ouais. Ah, oui. Fun Radio. On vient de se faire niquer, putain. Putain. Ah bah ouais, non mais Brian, si tu si fais... Si t'écoutes en famille aussi. Ah ouais, si t'écoutes l'émission avec les parents et tout. Ma mère, elle écoute pas, il y a qu'une père qui écoute, je pense pas qu'il était là. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il était d'accord pour la partouze. Parce que je me disais aussi, c'est bizarre. Bah oui. Hein bah, c'est... Vous m'avez pas dit votre petit prénom? Patrick, on va vous envoyer le jeu No Man's Sky sur PlayStation 4. Ah bah c'est super. Juste pour dégoûter Brian. Voilà, pour le foutre les boules là. Mais non, ça a divisé. Eh ouais, Brian, ça t'apprendra. Eh, n'empêche que c'est super bien ton émission, soir avec le doc. Ah, super. Bah oui, c'est Love and Fun tous les soirs. Et pourtant, je suis pas tout jeune. Hein. Patrick, je peux te faire une bise? Moi aussi. Eh ben, on t'embrasse fort. Et Brian, à bientôt, Patrick. Ok, bonne soirée. Salut. À vous, ciao. Salut, super cool, Patrick. Salut. Brian, on envoie le jeu chez toi. Après, vous vous démerdez avec ton père. Hein, c'est celui qui l'aura, d'accord? D'accord, pas de souci. Brian, t'es content quand même? Ouais, bah ouais, mais je suis trop deg de me faire griller là. Je pense vraiment avoir ma mère. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Tout le monde écoute Love in Fun maintenant. Mais salut, Brian. Si mon père, il aurait pas été là, il aurait marché. Ouais, ça c'est sûr. Salut, Brian. Et salut, Patrick. Salut à tous les deux. Ouais, ciao, j'adore ciao. J'adore votre émission. Bonne soirée. Super, merci, mon pote. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Et dans un instant sur Fun Radio, le chiffre d'Alice. Qu'est-ce qui va se passer ce soir dans ton chiffre? Eh bien écoute, on va parler des petits trucs qu'on aimerait changer chez notre mec ou notre copine, que ce soit au niveau du caractère ou même physiquement carrément. Allez-y, 01 42 48 5000, venez réagir sur Fun Radio. Voici Jennifer Lopez et Ain't Your Mama. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gon' get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Just remember that, yeah. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. Superstar mondiale Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Avec la sécurité routière, suivez les aventures d'Alice qui passe son permis dans Love and Fun. Sur Fun Radio. En verra-t-on le bout? En verra-t-on le bout? J'espère. Est-ce qu'elle... Non, parce que c'est vrai que là maintenant, ça fait quand même des mois qu'on en parle. Ça fait quand même depuis fin juin. Ça pourrait durer plusieurs saisons, cette affaire. Oui, oui, oui. Ah bah écoute, je prends mon temps. C'est maintenant, c'est aura-t-elle son permis un jour? Non mais c'est vrai que ça, c'est, on est en progression. Il y a eu le code déjà. Ah, bravo. Attends, bravo Alice. Non, mais... en 2 mois et demi, il y a des gens qui n'ont pas leur permis en 3 mois, 4 mois comme c'est ça. Attends, je fais ce que je peux. Et c'est vrai que tu as aussi un emploi du temps bien chargé. Bah oui, que je pour travaille. Trouver les heures de conduite, etc. Ça prend du temps. En tout cas, il y en a un qui est ton moniteur d'auto-école. Oui. Et qui m'a donné un petit peu des news de toi. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Ludo. Hola, que tal? Hola, salut. Que tal? Ludo, ma première question, c'est Alice galère-t-elle toujours autant à faire ses créneaux? Absolument. Ah, ça n'a pas changé. Quels sont les progrès d'Alice, Ludo? En général, elle a progressé. Attends, t'entends pas bien, Ludo. Te perds, là. Ludo, t'es là, où? Tu m'entends, là? Ouais. Ah, ça y est, c'est beaucoup mieux, là. Je disais, en général, elle conduit mieux. De manière générale, elle a une conduite plus souple, plus organisée. Mais bon, mademoiselle est têtue sur certaines choses. Alors, le manque d'observation, beaucoup. Mais bon, sinon, voilà. Ah, mais donc, elle regarde d'ailleurs. Je monte pas avec elle, hein. Ah non, mais moi je suis monté avec elle, laisse tomber quoi. Oh, ça va, c'était au début. Non, mais si elle regarde ailleurs, tu te rends compte? Ah oui, non, mais bien sûr. Mais non, mais j'ai peur de regarder l'angle mort en fait. Est-ce qu'elle mate les mecs en fait? C'est pour ça, non? Ça, je peux pas dire. Mais par contre, Ludo, lui. Ah, il a pas dit qu'elle matait pas, il a dit je ne peux pas dire. Alors, Ludo, il paraît que tu joues à Pokémon Go? Comment? Il paraît que tu joues à Pokémon Go pendant tes séances de conduite? Mais bien sûr, si tu crois tout ce que raconte Alice, moi je peux pas parler, hein, si tu veux. Non, non, mais attends, on a tous joué à Pokémon Go, mais tu sais, maintenant, c'est marqué, c'est message de la sécurité routière, c'est important. Avant, c'est quoi d'ailleurs le message? Il faut pas jouer en conduisant. Mais c'est conduire ou jouer, il faut choisir. C'est voilà. Ça. Et, ouais. Et ça, ouais, c'est arrivé d'ailleurs avec Pokémon Go. Hein. Exactement, ouais. Alors, ouais, parce qu'il y a eu pas mal d'accidents. Ouais. Le créneau, comment ça se passe, Ludo? Alors, le créneau, comment ça se passe? Bah, alors, en fait, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a des gens qui font ça au feeling. Moi, perso, j'utilise des points de repère qui sont simples. Oui. Pour que tout le monde puisse arriver à travailler au niveau du créneau. Il faut juste prendre conscience qu'il faut toujours observer les alentours. Oui. Bien indiquer quand on va décider de s'arrêter. Faire attention si jamais on croise un ratata. Hein, il paraît. Bien garder au moins un mètre de distance avec le véhicule par rapport auquel on souhaite se stationner. Okay. Et ensuite, il faut agir avec allure lente. Donc, travailler surtout avec son embrayage. Ne pas utiliser le frein qui peut donner une mauvaise information aux gens qui arrivent derrière. Et puis après, donc prendre les points de repère et puis travailler en fonction. Donc on prend son temps pour faire un créneau, ça n'a rien de se presser. Sinon on finit par monter sur le trottoir, ouais, n'est-ce enfin. Pas Alice? Vas-y. Et puis voilà. Là, Alice monte sur le trottoir. Qu'est-ce qu'il y a, Doc? Non mais enfin, pas se presser quand t'es derrière, c'est chiant. Bah, c'est vrai que quand quelqu'un galère genre 3-4 fois pour se garer, c'est très très lourd. Voilà, oui, bah, vous prenez votre temps et puis c'est tout. Hein. Vous mettez le clignotant, vous passez et puis c'est tout. Hein. Oui, oui. C'est... Alors, je dis ça comme ça, hein. Je dis juste ça comme ça. Bien sûr, Doc. Doc est en moto, hein, d'ailleurs, qui fait chier tout le monde, lui, en prenant des sens interdits. Hein. Et je le dis pas parce qu'il y a des policiers qui sont avec nous ce soir. Hein. Attention. Alors, en attendant Ludo, et je vais le rappeler pour tous ceux qui ne sont pas au courant, il y a 1000 euros à gagner sur le site de Fun pour vous aider à payer une partie de vos permis de conduire. C'est un quiz que vous retrouvez sur le site de Fun, funradio.fr. Ludo, j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini avec toi. On va te retrouver toutes les semaines hein, pour faire le petit point sur Alice. Merci beaucoup, mon Ludo. Salut Ludo. Ton chiffre dans un instant, parce que Alice, quand elle ne conduit pas, elle prépare des chiffres. Et ce soir, on va parler des trucs qu'on voudrait changer chez nos mecs. Exactement, des petits trucs qu'on aimerait changer, que ce soit au niveau du caractère ou même du physique, les petits trucs qui nous saoulent. Mais quand on aime quelqu'un, on aime ses imperfections, on aime qui elle est. Premiers mois. Oui, c'est vrai que ça peut changer. Après, il y a des petites choses qui peuvent nous agacer. On en parle dans un instant. Allez-y, réagissez. 01 42 48 5000. On revient avec Jonas Blue, Perfect Strangers. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Let's go. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Vert Emeraude. T'as voyagé dans le temps ? Après Rouge Ruby et Bleu Saphir. Le monde est en train de plonger dans le chaos. Assistez au grand final de la saga Phénomène. Gideon ! Vert Emeraude, sur tous vos écrans DVD, Blu-ray et VOD. Et en ce moment, participez à la chasse aux émeraudes. Serez-vous l'un des 6 chanceux à découvrir une émeraude dans votre boîtier ? Avec Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Ready. Fun Radio et InterBDE présentent le Festival Electro Grenoble. Vendredi 7 octobre à Alp Expo, soyez prêts. Fun Radio. Débarquez dans la plus grosse soirée étudiante de France. 15 000 étudiants sur le meilleur du son dance floor. 7 heures de mix électro non-stop. Fêtez votre intégration 2016 avec les plus grands DJ internationaux. Vinay, Firebeat, Blaster Jax et plein d'autres artistes à venir. Le Festival Electro Grenoble, vendredi 7 octobre à Alp Expo. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Infos et réservations sur funradio.fr et sur interbde.com. J'arrive chez McDo. Je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire ? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. 01 42 48 5000. Love Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Jonas Blue, Perfect Stranger sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice dans Loving Fun sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice, on vous attend. Réagissez 01 42 48 5000. Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, le Snapchat de l'émission. On va parler de quoi exactement dans ton chiffre ce soir? Eh bien écoute, apparemment une fille sur 5 voudrait que son mec soit plus sportif. Plus sportif? Eh ouais. Donc, ah ouais? Donc on s'est posé la question, si vous pouviez changer quelque chose, voilà, chez votre mec, chez votre copine, que ce soit au niveau du physique, de son caractère, sa façon de faire, voilà, qu'est-ce que ce serait? D'accord, on va accueillir Marie qui est avec nous. Marie, elle est de Tourcoing. Bonsoir Marie. Salut Marie. Ah, elle est dans une ambulance Marie, on n'arrive pas à la joindre, elle vient de raccrocher. Apparemment en fait elle est en train d'accoucher. Quoi? Ouais. Mais non, tu déconnes. Elle vient de nous envoyer un message, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je suis d'une ambulance direction la maternité. Vas-y, appelle. Ah, mais oui. Appelle en direct. Vas-y, c'est quand même. Attends, Doc. Oui, j'écoute. J'attends qu'elle. Ben oui. Ça peut arriver. Hein. Ce serait énorme qu'elle accouche en direct. Chaque année, chaque année, il y a des femmes qui accouchent en dehors des hôpitaux, dans les ambulances, dans les camions de pompiers, à la maison. Ah putain. Parce qu'elles sont surprises par l'accouchement. Juste pour lui dire. Bon courage, quoi. Oui. Ben non, mais attends, si elle accouche, elle accouche. Ça peut arriver, en plus. Non, ça, c'est... D'accord. Bon, on va prendre Anaïs. En tout cas, on fait des gros bisous à Marie. Ouais, bisous, Marie. Si l'ambulance, elle est branchée sur Fun Radio. Bon, bonsoir, Anaïs. Bonsoir. Salut, Anaïs. Salut, Anaïs. T'as 19 ans, tu nous appelles d'où? De C, à côté d'Alençon. D'accord. Alors, tu veux réagir. Est-ce que t'as, toi, envie de changer un truc chez ton mec? Bah, en fait, il est... peu démonstratif, parce que en fait ça fait 2 ans qu'on est ensemble, plus de 2 ans, et il est moins démonstratif qu'avant, et il est un peu trop sûr de lui. D'accord. Alors, okay. En gros, démonstratif, c'est-à-dire qu'il a moins d'affection, sexuellement c'est moins bien, Non, pas forcément, mais il avait des attentions avant, qu'il n'a plus maintenant, quoi. Est-ce que tu as l'impression de faire partie des meubles, comme on dit? J'ai eu une impression à un moment, mais non, plus trop maintenant. Mais c'est juste que j'ai l'impression que bah, maintenant, il a plus peur de me perdre. Il s'en moque un peu, quoi. C'est difficile de gérer, Doc, les relations après 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous avez, bien sûr, oui, plus ou moins, ça dépend. Est-ce que tu as toujours du plaisir à être avec lui et vice-versa? Ah oui, bien sûr. Vous avez du plaisir à être ensemble? Oui, bon, oui, c'est juste que moi, déjà, j'ai plus confiance en moi, donc voilà. Ouais, et pourquoi tu n'as plus confiance en toi? Parce que c'est ça, la vraie question. Il s'est passé quelque chose entre lui et moi. Voilà, c'est-à-dire? Bah, il m'a quitté, il est sorti avec une autre fille pendant qu'on n'était plus ensemble, et au final, bah, j'ai perdu confiance en moi, quoi. Oui, et normal. Hein. D'accord. Là, il est revenu. Pourquoi il est revenu? Bah, en fait, c'est pas le fait qu'il. Enfin, oui, il est revenu parce qu'il m'a choisi moi et parce qu'il s'est rendu compte qu'il m'aimait. Mais c'est surtout que je ne l'ai pas su par lui qu'il était sorti avec une fille, je l'ai reçu par un pote à moi, en fait. Ah, ouais. Et j'ai pas aimé. Enfin, pour moi, la confiance, c'est qu'il aurait dû me le dire. Et au final, bah, voilà. Bien sûr. Bon, d'accord. En tout cas, maintenant. T'es quand même dans la situation délicate de ne plus avoir confiance en lui, alors que pour que la relation soit de qualité, il faut que tu aies confiance en lui et en toi. Est-ce que tu l'espionnes? Pas forcément, mais je regarde parfois quand il est sur son téléphone ce qu'il fait, quoi. Ah ouais, bah tu perds la confiance. Voilà. Hein. En tout cas, c'est à retravailler avec lui, mais Mais je sais qu'après, j'ai mes torts. Je suis très jalouse et assez possessive, donc voilà. Non, d'accord. Donc tout ça, c'est à revoir et surtout prendre confiance en toi. Finalement, c'est peut-être pas par lui, hein. C'est par ce que tu vas faire dans la vie. Le sport, les activités, ton métier, je ne sais quoi d'autre. C'est comme ça aussi qu'on prend confiance en soi. Pas uniquement dans le couple. J'ai une solution aussi, peut-être, que de changer un truc chez un mec. Autant changer de mec, peut-être. Parce que je suis fiancée avec lui et je l'aime plus que tout au monde et je ne veux pas. J'espère qu'il va prendre soin de toi surtout parce que. J'espère aussi. Il faudrait pas qu'il te rende malheureuse. Ludivine. Non, c'est bon, je pense qu'il a compris. Bah j'espère. J'espère. Ludivine est avec nous. Bonsoir, Ludivine. Salut, Ludivine. Bonsoir. Ça va, Ludivine ? Salut. Ça va. Qu'est-ce qui se passe, Ludivine ? Bon, rien. Ah, vas-y, raconte-nous un petit peu, là, Ludivine. Bien. Alors, moi, ce que j'aimerais changer, dans l'idéal, chez mon ex, mon mari, maintenant, c'est plus son côté séduction. C'est le séducteur qui est en lui depuis bien longtemps, maintenant. Et séducteur pour qui ? Ah non, mais il aime toujours, enfin, séduction, pas non plus aller jusqu'au bout, mais c'est vraiment, faut toujours que la gente féminine soit toujours plus ou moins pas subjuguée par lui, mais il aime bien. Donc, faut qu'il séduise, voilà. Il le fait devant toi. Oui. Ah oui. Ah ouais, ça mais c'est chaud. Mais il n'y a rien de méchant. Non, mais enfin, bon. Ça fait toujours bizarre. Hein. Dis-donc, Ludivine. Oui. Un peu chaud quand même, ça. C'est un peu chaud quand même. Bah, c'est mieux devant que derrière elle. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Ah, il n'y a rien de méchant, il n'y a pas de mot ambigu, il n'y a pas de. Non, mais il n'y a pas de mot ambigu, sauf que s'il te trompe, tu ne le sais pas. Ah, si, par contre, on a toujours été réglo là-dessus. Ah bon ? Il n'y a pas de sujet tabou chez nous. T'es heureuse avec lui ? Ouais. Tout à fait. Tout va bien ? Tout va bien. On est mariés depuis 14 ans, 3 enfants, un autre en route, je pense que ça devrait aller. Ça va, 4 enfants bientôt. C'est ça. Eh ben merci Ludivine. Donc, je souhaite bon courage à ma collègue qui est dans l'ambulance pour partir à la maternité. Ah oui, c'est Marie, Marie qui doit écouter Fun Radio là ce soir. Notre auditeur du soir, qu'est-ce qu'il en pense ? Fabien, t'es là toi Fabien ? Toujours. Bon, Fabien, t'as une meuf ? J'ai une copine, ouais. Alors, t'aimerais changer quoi chez elle ? Moi elle est parfaite, ma copine. Franchement, elle me plaît, mais par contre, elle veut changer un truc chez moi. Ah, c'est quoi ? En fait, elle m'a dit l'autre jour qu'elle me trouvait trop intelligent et trop beau. Ah, bien sûr. Ah oui, non, mais ça arrive. Les filles qui aiment les mecs un peu plus cons et un peu plus moches pour pas se les faire piquer. Bah, normal. Normal en même temps. Non, mais je sais pas. Après, c'est vrai que t'as l'air très, très intelligent. Ah ouais, c'est vrai. Ça va les chevilles ? Ça va, merci, oui. Alice, t'aimerais changer quoi, toi, chez ton mec ? Oh, je sais pas. Peut-être par moment qu'il soit un peu plus mature. Ça ne me dérangerait pas. Plus mature, tu. Voilà. Et dans certaines situations. J'ai hâte de poser la question à Doc. Ah ouais ? Doc, parce que je connais déjà sa réponse. Elle est parfaite, incroyable. Non mais franchement, Doc, tu changerais un truc à Katoch, toi ? Rien. Absolument rien. Non ? Même pas son prénom ? Le prénom que vous lui avez donné, si, j'aimerais bien changer. C'est pas elle qui l'a choisi. Ah, elle s'appelle Catherine, mais je trouve ça vachement plus funky de l'appeler Katoch. D'accord. Et merci à tout le monde. Réaction à Alice sur les messages là, qu'on a reçus. Il y a Mathilde qui dit si je pouvais changer un truc chez mon mec, ce serait son côté râleur parce que c'est vraiment insupportable. Pour David, ce serait sa mère parce qu'il ne peut plus l'encadrer. Et pour Agathe, ça serait lui épiler les sourcils parce que cette touffe, c'est plus possible. Oh non. Voilà. T'épiles les sourcils. Ah ouais, non, c'est horrible ça. C'est comme Cassim, sans déconner. Cassim, le producteur. Ouais. Faut que tu fasses un truc. Bah, je m'épile entre les sourcils. C'est ça le pire en fait. Ouais. Le mec s'épile. Je suis allé chez le barbier tout à l'heure, j'ai tout rasé, je suis tout propre là. Ouais. J'ai perdu 4 kilos. T'as un rencard ? Non ? Si, j'ai un mariage. Ah. Week-end. C'est qui ? C'est mon parrain. Tu vas pécho ? Ah ouais, j'aimerais bien. Bah, les mariages. Parce qu'en fait, c'est le seul mec qui a une barbe, mais qui se rase le pubis. C'est ça, c'est exactement ça. Il est rasé au niveau du pubis, mais la barbe, il l'a. Tu veux voir ? Non. Tu veux toucher ? Non, il va te le montrer. On va passer à autre chose. On a Myriam au téléphone. Bonsoir Myriam. Salut Myriam. Bonsoir le doc. Bonsoir Karel. Bonsoir Alice. Bonsoir Myriam. T'as 25 ans, Myriam. Tu nous appelles de Toulon. T'appelles pourquoi ? Parce que j'aimerais savoir comment offrir un cadeau à un homme marié. Comment offrir un cadeau à un homme marié ? D'accord, ok. Eh ben, on en parle dans un instant, Myriam, après la nouvelle bombe Fun Radio qu'on vous avait promise. Alors attention, ça vous l'avez découvert sur Fun Radio ce matin avec Bruno dans la radio. Voici The Weeknd et les Daft Punk. C'est Starboy. I like to kill any pain. Kill any pain. Legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. Talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. The Weeknd, Daft Punk sur Fun Radio Starboy. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Radio. Tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio. Et merci d'être avec nous. Si vous venez de débarquer, vous êtes tous les bienvenus sur Fun Radio. Il y en a qui nous écoutent, là, qui sont tranquilles, dans la piole. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo. Il y en a qui révisent aussi. Il y en a qui bossent, hein, qui sont au boulot, là. Merci d'être avec nous. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Alors, vous pouvez aussi envoyer vos messages, hein, sur les réseaux sociaux. Juste avant d'en lire quelques-uns, on va accueillir Myriam, là, maintenant, sur Fun Radio. Bonsoir, Myriam. Salut, bonsoir, Myriam. Karel. Bonsoir, le Doc. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Myriam. T'as 25 ans, t'es à Toulon. Qu'est-ce que tu voulais savoir, toi? Je voulais savoir comment offrir un gâteau à un homme marié, okay. Et en sachant que c'est mon voisin et que j'ai pas envie que sa femme éveille ses soupçons. Mais qu'est-ce que t'as fait avec lui? Ouais, putain, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as eu comme relation avec lui? Ben, en fait, on a une relation de courte durée, c'est-à-dire de une semaine. Il trompe sa femme, donc, avec toi? Ben, en fait, il trompait, parce qu'en fait, après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et en fait, il a pris ses distances, et voilà. Comme beaucoup de mecs qui adorent, ouais, effectivement se faire une fille et puis se barrer après. Bon, ouais, ça, c'est très très fréquent. Puis il avait pas fait beaucoup d'efforts parce que t'étais juste en face. Oui, t'es la voisine, c'est ça, Myriam, hein? C'est ça. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il t'a dragué? Il t'a mis dans son lit? En fait, on s'est arrêté juste au préliminaire. Ouais. Et chaque fois que je l'ai invité chez moi, ben il me disait non, je peux pas, sinon ça va faire, on va se faire remarquer par les voisins, nani, nana, etc., etc. Et ensuite, ben en fait, tout a commencé par des regards, des sourires, des bonjour, ça va, et tout, etc., etc. Et ensuite, un jour, bonjour, ça suce, quoi. Oui. Il a fait le premier pas et on s'est embrassé, et après, depuis, voilà. Vous avez eu des relations sexuelles ou pas? En fait, on s'est arrêté juste au préliminaire. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, et maintenant, mais veut rester avec sa femme, ça peut pas être le cas, c'est ça, n'est-ce ouais. pas? Ben, en fait, il m'a dit que comme quoi, sa femme lui posait des questions. Ben oui, forcément, elle est jalouse. Oui. Ah, en fait, Myriam, plutôt que de trouver une idée pour lui offrir un cadeau, je pense qu'on a plutôt envie de te dire que ce serait bien que tu mises sur un autre mec. Lâche-lui la grappe. Parce que t'es en train de te faire du mal. Tu vois, tu vas tomber amoureuse de lui, mais il est marié et tu vas, à mon avis, être très déçu. Tu le savais qu'il était marié au début? Oui, je le savais. Et pourquoi tu tombes amoureuse de lui alors que tu sais qu'il n'est pas libre? Ben, en fait, je crois que nous, les êtres humains, on est toujours attirés par l'inaccessible. Ah, voilà une réflexion philosophique très intéressante début de la sagesse. Donc, tu l'as dit toi-même, inaccessible. D'accord? Donc, pas possible. Mais voilà. Pourquoi tu veux lui offrir un cadeau? Ouais. Pour foutre la merde. Pour être sûr que... Non, sa femme va l'ouvrir. Non, c'est juste un geste de sympathie et de pensée. Tu lui remets en main propre. Voilà. Non, ce que t'as qu'à faire, c'est dimanche matin, là, tu sais pas trop quoi faire, tu débarques, tu sonnes à la porte, et puis là, t'es en robe de chambre, mais à poil en dessous. Surprise hein. Là, c'est sa femme qui va t'ouvrir et qui va te dire, on s'est arrêté au préliminaire, et j'aimerais bien aller un petit peu plus loin avec ton mari, tu vois. Non, mais des idées de cadeaux, franchement... Mais non, faut pas lui faire du cadeau, tu vas te faire du mal. Je vais te dire, Myriam, l'idée que t'as derrière la tête, tu veux continuer à le séduire, tu essaies de l'attirer à toi. Et tu ne sais pas comment faire. Faire un cadeau qui arrive chez lui, c'est finalement éveiller des soupçons chez sa femme, qui va poser des questions, le mettre dans l'embarras, voire même, peut-être, pourquoi pas, mettre un peu de désordre dans ce couple. Ouais. Hein, Myriam? Ça te plairait bien? Ça te plairait bien, ça? C'est pas ça, c'est qu'en fait, je le crois souvent... Ça. Mais oui, j'ai compris. Tu voudrais bien rompre la glace et faire en sorte que finalement, sa femme découvre ça pour que peut-être tu puisses bénéficier de la dispute. Voilà. Ah non, je lui ai dit, je lui ai dit que moi, je ne comptais pas priser d'accord, son ménage. Ok. Et que je n'allais pas foutre la merde. Eh bien, à ce moment-là, tu files pas de cadeau et t'oublies. Tu viens de dire, je ne sème pas la merde. Donc, dans ces cas-là, tu l'oublies. Je pense, Myriam, c'est notre conseil. Tu vois, c'est ce que nous, on pense. Tu l'oublies. Avec du recul, toi, t'es à fond dedans. Et nous, on pense que c'est pas une bonne chose pour toi. Il n'y a pas d'autres voisins dans l'immeuble, non? Un célibataire, par exemple, Myriam. Mais ça, malheureusement, ils ont tous pris. Ils sont tous pris. Sinon, ça l'excite pas. Mais il y a plein de mecs aussi, Myriam. Il faut que t'essayes de trouver ton homme à toi, peut-être. Mais c'est vrai en que les fait, hommes... je sors d'une rupture difficile. D'accord. Et ça fait 3 mois maintenant. Et ça s'est très, très, très mal fini. Pourquoi? Parce qu'il t'a quitté, t'as trompé, vous êtes disputé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a trompé et il m'a claqué et il m'a frappé. Bousculé. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, t'as bien fait de le quitter. Ouais. En tout cas, moi, ce que je trouve, voilà, c'est, il faut que tu fasses le deuil de cette relation, de cette douleur et que peut-être tu te reconstruises un peu. Donc, ne pense pas à des relations amoureuses pour l'instant. Et je pense que tu es capable de retomber amoureuse, mais pour l'instant, tu es peut-être un peu trop blessée. Et je voulais simplement dire que très souvent, un homme marié ou une femme mariée, ouais. qui est bien dans ses baskets, qui a l'air souriante et tout, ça attire un peu l'autre. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors que celui qui est mal dans ses baskets, c'est pas terrible. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Bah, on te fait des gros bisous, Myriam. On te souhaite bon courage. Aussi, merci beaucoup pour vos conseils. Pense et à toi. Bonne soirée, bon courage à vous. Merci, Myriam. Pense à toi. Pense à toi. Salut. Surtout. Prends soin de toi. Pierre est avec nous, 20 ans d'Arcachon. Bonsoir, Pierre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Pierre, ça va bien? Ben ça va et vous, dites-moi? Eh ben, dites-nous, pas mal Pierre. Tu nous appelles pourquoi toi Pierre? Ben en fait voilà, moi mes beaux-parents vraiment m'ont entendu faire l'amour avec ma copine. Oula, t'as un iPhone 7 les toi. Mes beaux-parents t'entendent faire l'amour avec ta copine. Bah toi, oui. Toi t'as un iPhone 7, on t'entend pas bien. J'ai l'iPhone 7, ouais. Ah, tu vois voilà. Encore un. Allez, bingo. iPhone 7. T'as une subvention de Samsung ou quoi? Je sais pas, non, mais en tout cas, j'ai juste envie de dire que quand on a un iPhone 7 au téléphone, la plupart du temps, ça se passe pas bien. Hein. Je sais pas pourquoi, mais on peut faire cette déduction. Dans un instant, Pierre va nous parler de ses beaux-parents qui l'ont entendu faire l'amour avec sa nana. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé de vous faire surprendre avec votre famille. Genre, vous étiez avec votre mec ou votre nana en train de faire l'amour dans la chambre, quand tout à coup, maman débarque. Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Je pensais que tu étais toujours vierge. Oh là là, quelle voix. Voici Mike Perry, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. The Ocean sur Fun Radio. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. Mike Perry sur Fun Radio, The Ocean. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro. On va tout de suite accueillir Pierre. Pierre, 20 ans d'Arcachon avec son iPhone 7. T'es là, Pierre? Ouais, je suis là. Ouais. Salut. Ah, ça va mieux. On t'entend mieux. Pierre, tu t'es fait griller, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, le week-end dernier, j'étais chez ma copine. Ça fait 3 mois que je suis avec. Et donc, du coup, c'était la première fois que j'allais chez elle. Et bon, on a fait l'amour ensemble. Et le lendemain, en descendant pour prendre le petit déjeuner, mon beau-père m'a dit tout simplement: alors, c'était bien? Ah bah, oh putain, c'est énorme. Oui, enfin, il a dû se douter que t'enfilais pas des perles quand même. Ah bah non, mais ouais. Après, tu penses vraiment qu'il vous a entendu? Grincé. Et donc sa chambre, elle est au-dessus du salon. Donc c'est vraiment très fin entre le salon et la chambre, du coup, ouais, on entendait pas mal. Écoute, c'est pas très grave, mais quand on vit sous le même toit, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est extrêmement banal, je vois pas. Il t'a pas fait d'autres reproches? Non, mais voilà, je me suis senti mal à l'aise, du coup, j'ose pas aller lui reparler, enfin... Non, attends. À mon avis, il a déjà dû avoir des relations sexuelles. Je pense, oui, a priori, il doit savoir ce que c'est. Ça bravo. Fait peut-être un peu rêver, parce qu'il est un peu plus âgé que toi. Mais non, ça le fait pas rêver. Bah non, d'entendre sa fille qui... T'imagines? Ça fait pas rêver. Du tout, il a imaginé. Il a dit c'était bien, parce que il sait très bien que, étant tous les deux dans le même lit, ils ont une relation sexuelle. À partir du moment où il te dit que tu peux revenir, c'est que tout va bien. Mais oui. Bah l'autre, t'as la bénédiction. C'est vas-y. Ça, tu peux, rigolant, vas-y, plus, tu peux prendre ma fille, y a pas de problème. Hein, non, mais c'est ça, Pierre. En plus, c'est le beau-père. Faut pas être mal à l'aise. Faut pas être mal à l'aise, sérieux. Mais oui. Il est impressionnant, en plus. Il fait du rugby. Fait il t'a pas cassé la gueule, donc tout va bien. Tu vois? Non, mais bon, j'ai l'impression qu'il va me plaquer et qu'il va m'en foutre. Ouais, c'est chaud, quoi. Bah, et franchement, Pierre, dans ces cas-là. Tu te bats à fond contre lui. Tu te mets en boule, écoute, Pierre. Il t'a dit. Mets-toi en boule, Pierre. Visiblement, tu peux revenir. Je vois pas où est le problème. Voilà. Ah oui, t'inquiète pas. On a Stéphane qui veut réagir. Il a 23 ans de Lyon. Bonsoir, Stéphane. Salut, Stéphane. Bonsoir. Salut, Stéphane. Salut. Moi, je pensais que c'était plus grave avec Pierre, en fait, qui s'était fait griller en plein acte. C'est peut-être ce qui t'est arrivé, toi, Stéphane. Bah, en fait, moi, j'étais en train de faire l'amour et oui. On faisait un peu trop de bruit. Et à côté, la chambre de mon frère, il a tapé contre le mur pour dire ici, c'est pas un bésodrome. Ah oui, bah oui. Mais surtout qu'il est, lui, il était en train de se pougner, tu sais, il était dégoûté, quoi. Bah, il avait fini de se pougner. Ouais, peut-être. Ça le gênait. Ah, d'accord. Mais ça, c'est le problème quand tu fais l'amour avec des gens autour, quoi. Dans la maison et tout. Oui, les maisons sont mal ensemble. Les maisons sont mal insonorisées, ils ont beaucoup trop feuilles de papier. Ouais, donc voilà, donc la discrétion, c'est pas toujours facile. Non, c'est pour ça qu'il faut mettre un oreiller sur la personne, ouais. Généralement. Ah oui, pour la faire taire. Oui, enfin, on la tue pas, par contre. Ouais, hein, fais ça, attention, c'est, quoi. C'est important. Tu l'attaches aussi. Non, tu peux faire des délires comme ça si tu veux, Katoche, tu vois. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Jamais. Thomas, t'es là? Ouais. Ça va, Thomas? Salut, Thomas. Salut, tout le monde. Ça va bien, Thomas? T'as 21 ans, t'es à Tours? Ouais. Et tu fais l'amour de temps en temps, toi aussi, hein? Ah, bah, heureusement. Hein, petit coquin, hein? Bonjour. Ça y est, parle bien fort dans le téléphone. Raconte-nous, tu t'es déjà fait griller en train de faire l'amour avec ta meuf? Ouais. Vas-y, raconte. C'était il y a un an à peu près. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On était en plein acte avec ma copine et tout. Il y avait mes parents au-dessus, je pensais que ça allait passer comme on va dire. Ouais. Et ma mère a débarqué. C'est pas bien te faire ce bordel? Ah bah je suis en camion, je peux pas tout faire. Mais non. Vas-y. Et ta mère. Là on en est à ta mère, à ta mère qui débarque. Elle a qu'est-ce dit quoi se passe? Ma mère débarque, elle regarde, elle hurle. Ah bon? Parce que ouais, elle a hurlé parce que avec ma mère parler de sexe c'est vla tabou. Ah merde. Et attends, elle a été choquée. Attends, excuse-moi, on a raté un épisode. Elle savait que t'avais une copine dans ta chambre? Elle savait que j'avais une copine dans ma chambre, mais pour elle, elle croyait genre j'étais puceau et j'ai resté. Ouais, ah oui, tu quoi. Jouais au domino. Au domino, oui. Aux cartes. C'est ça. Un docteur Maboul. Regardez dans le blanc des yeux, quoi. D'accord. Donc là, surprise, mon fils fait l'amour. Et alors, qu'est-ce que t'as dit après? C'est ça. Et t'as dit quoi? Ah, bah, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je me suis bouffé une soufflante. Elle m'a dit ouais, pourquoi tu fais ça sous mon toit? Ouais. C'est pas marqué bar à pute sur la boîte aux lettres. Ah ouais, ta copine devait se sentir à l'aise. Voilà, ça devait être très sympa pour la copine. Alors il y a d'autres réactions, on va continuer d'en parler. J'espère que Fabien aussi va nous raconter une petite histoire là, notre auditeur du soir. Parce que c'est juste énorme hein. Quand vous faites griller par vos parents, franchement les anecdotes elles sont juste géniales. Vous restez bien avec nous, on sera avec Julie aussi. Julie, 23 ans de Paris, t'es là Julie? Salut Julie. Oui. Bonsoir le doc. Bonsoir Julie. T'appelles parce que tu dragues des flics dans la rue toi?

être. Oui. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Fun Radio. Love in Fun depuis 20h jusqu'à 22h tous les soirs. 20h, 22h, c'est Love in Fun au standard. Hein, 01 42 48 5000. Et depuis tout à l'heure, on parle avec Pierre qui est à Arcachon. Il a 20 ans. Il nous a raconté que voilà, ses beaux-parents l'avaient grillé en train de faire l'amour avec la fille, hein, forcément. Mmh. Et vous avez été très nombreux à réagir. Mathieu, notamment, qui nous appelle de Chalon-sur-Saône. Salut Mathieu. Salut. Salut tout le monde. Salut Mathieu, t'as 21 ans, raconte-nous ton histoire. C'est ça. Alors, moi le problème c'était avec mon ex. Donc en fait, ça s'est passé, les beaux-parents ont entendu. Ouais. Par la suite, le matin, ils ont fait comme Pierre, le beau-père. Alors ça va, c'était bien, bien passé. C'est gênant quoi. Donc ouais, assez gênant. Total, j'ai pas pu voir ma copine pendant 3 semaines. D'accord. Mon ex-copine pendant 3 semaines carrément. Ouais. Ah ouais, ouais. Pourquoi ? Sa mère m'a fait la gueule. Bah tout simplement parce qu'en fait, ils acceptaient pas mon physique. C'est-à-dire que je suis grand, je fume des clopes, normal, un peu comme tout le monde. Je suis tatoué et percé. Ah oui, d'accord. Et donc pour elle, ça voulait dire automatiquement que j'étais un camé, que je me droguais, que je me piquais, que. Okay. Donc ça, c'est pas du tout appréciable. Mais enfin, ça, c'était pas le fait que t'avais couché avec la fille, c'est le fait que ton physique ne passait pas. C'est autre chose. Et après, ils ont accepté ? Honnêtement, non. Ça s'est très mal passé. Ah, c'est pour ça que tu l'as quitté, ou que vous êtes séparés ? Bah, en fait, on s'est séparés, ouais. Du coup, à cause de ça ? Bon, non, pas à cause de ça. Non. Bon, à cause de quoi ? Ça marchait bon, pas. C'était un peu le surplus de tout, entre guillemets. D'accord. Ouais, d'accord. Parents, machin. Okay. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est ouais, juste non, ça. Ouais. Il faut se dire que c'était pas la nana pour toi, hein, Mathieu. Hein. Exactement. Ouais, bah, c'est ça. Hein. C'est Alex. Ça. Alex est avec nous aussi. Bonsoir, Alex. Salut Alex. Salut à toi, Alex. Tu t'es fait griller, toi aussi, Alex ? Bah, ouais, moi, à plusieurs reprises. Mais bon, je vais en raconter des assez récentes, quand même. Vas-y, vas-y. Bah, la dernière fois, j'étais avec ma copine, et actuelle d'ailleurs. Et on venait de finir, en fait, et on allait remettre le couvert. Et il y a mon petit frère qui frappe à la porte et il dit « Ouais, il y a maman au téléphone. » Ouais. Je lui dis « Attends 2 secondes. » Et ce connard, il ouvre la porte. Alors bon, il a vu un bout de mes fesses, mais du coup, merde. Ce con, bah, il m'a vu. Et puis après, il est descendu. Ouais. Et il a été voir ma petite soeur. Il fait « Oh, bah, j'ai vu les fesses d'Alexandre. » Donc, Mais d'accord. Il était un peu gêné. Ça va, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Il avait quel âge, le petit frère ? Bah, mon petit frère, il a 12 ans. Et il est un peu turbulent et bah, il ne sait pas trop ce qu'on dit, en fait. Et ça n'a pas arrangé les choses. Et le pire qui te soit arrivé, alors, parce que ça t'est arrivé plusieurs fois, tu nous as dit. Ouais, bah, le pire, c'est un jour, c'était il y a longtemps, j'étais avec un plan cul, avec qui on a resté bien amis. Ouais. Mais en fait, j'étais avec elle, donc on couchait ensemble plusieurs fois. Ouais. Et là, ma mère, elle frappe à la porte, elle ouvre la porte, donc elle s'excuse. Ensuite, elle ferme la porte, et là, elle m'envoie un message. Et du coup, mon plan cul dit putain, mais je vais défoncer la personne qui t'a envoyé un message, ça me saoule. Ouais. Sauf que en fait, c'était ma mère qui a dit ouais, je m'excuse, je voulais juste déposer une lettre. Ça, c'est la bonne réaction. Normalement, on rentre pas dans une chambre de. Bah, ouais. On frappe avant. Bien sûr. Ah oui, elle a frappé, mais vu qu'on n'entendait pas qu'on était en hauteur. Faut mettre un panneau, ne pas déranger. Guillaume du Standard, il t'est arrivé ça toi aussi, tu t'es fait griller avec une meuf ? Ouais, en fait, c'était avec mon ex, ce qui fait que je venais de la quitter. Ouais. Et son père, il m'a dit, tu la revois plus jamais parce que tu lui as fait du mal. Ouais. Et donc, un week-end, ils sont partis en week-end, ses parents, et je me suis dit, bon, je vais revoir mon ex pour la ken. Oh là. Et en vrai, ses parents, ils sont rentrés plutôt de week-end. Et quand je suis descendu au petit déjeuner, son père, il avait posé un pistolet sur la table. Mais non. Et il m'a dit, re-bienvenue, est-ce que tu vas revenir avec ma fille ? Et je lui ai dit non, mais il m'a chassé. avec un pistolet. Ah ouais, il était collectionneur d'armes, il y avait le petit pistolet, il y avait une sorte de petite cave avec les fusils. T'as, t'as eu la trouille ? Bah oui. Bah, attends, je faisais pas le fier, en effet. Tu m'étonnes. Merci à tout le monde pour les réactions. Mathieu, Alex, Guillaume du Standard aussi, hein, qui a failli se faire flinguer le mec, sans déconner. On a Julie qui est avec nous, 23 ans de Paris, pour terminer l'émission. Julie, t'es là ? Oui, je suis là. Julie, salut, qu'est-ce que t'adores faire, toi, ma chérie ? Alors, moi, j'adore dragouiller les flics, les militaires. D'accord, tout ça. Ça t'excite ? Les militaires. Bah, j'aime bien l'uniforme, ça me plaît bien, ça impose le respect, ce genre de choses. Et alors, tu veux savoir quoi par rapport à la drague des militaires ou des policiers ? Je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est dangereux dans le sens où est-ce qu'ils peuvent profiter un peu de leur profession, me mettre des amendes, ce genre de choses. Justement, tu tombes mais tellement bien ce soir. Le fruit du hasard. Nous avons trois policiers qui sont avec nous ce soir, quoi, qui sont au fond du studio. Je vais en interroger un. C'est Florent. Ça va, Florent ? Ouais, ça va. Alors, Florent, tu entends Julie, elle adore draguer les policiers. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, avec tes collègues, de vous faire draguer comme ça ? Sur certains contrôles, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, vous contrôlez une femme et elle va utiliser son pouvoir de séduction sur vous ? Tout à fait. Vas-y, raconte. Est-ce qu'il y en a qui proposent le numéro de téléphone direct ? Non, pas de suite. Bah, t'as une petite anecdote à nous raconter ? Bah, une fois, sur un contrôle, on avait une demoiselle qui n'avait pas la ceinture. Ouais. Et on la contrôlait pas forcément pour ça. Et elle comprend que... certainement, on allait verbaliser. Et à ce moment-là, elle nous dit, je peux pas la porter, la ceinture, parce que j'ai des prothèses, je viens de me faire opérer. Ah. Et du coup, je peux pas mettre la ceinture de sécurité. D'accord. Et donc, comme elle avait pas le certificat du médecin... Elle a tout montré ? Elle était prête à nous trouver. Ah ouais. Tout. Oh putain ! Montrer ses seins pour éviter d'être verbalisé. T'as même pas abusé de la situation, merde ! Non, elle nous a même demandé de toucher. Hein. j'ai raté ma carrière. Donc j'ai touché et je lui ai foutu quand même l'amende. Elle a pas donné son 0,6. Toucher une prothèse, c'est un tue l'amour. Oui, mais bon, ça reste quand même. T'as l'impression d'avoir une balle en plastique dans la main. la vérité, Florent, est-ce que c'est déjà arrivé ou tu l'as entendu par un de tes collègues, etc., que, bah voilà, une fois, une petite pipounette et l'amende est arrangée. On va dire que c'est secret. Ah ouais! C'est le fameux secret professionnel. Voilà. Ça plaît à Julie, ça. Julie, je te présente. Je savais bien qu'ils étaient, quand même perturbables, ces hommes. Je te présente Florent, Julie. Enchantée. Demande-lui s'il est célibataire. Mais je le vois pas, ça marche pas. Ça va, il est beau gosse. Tu peux y aller, tu peux te lâcher. Bon, salut. Moi, c'est Solène, 23 ans, de Paris. Enchantée. Moi, je suis Florent, 40 ans. Ah bah t'es un peu trop vieux du coup, voilà. Désolé. Allez, sans déconner, je suis désolé, c'est un échec, Florent, ce sera pas pour ce soir. C'est sa copine qui va être contente à Florent. Ma Julie, tu peux continuer, tu vois, ça les excite plus qu'autre chose. Hein. Eh ben je vais continuer, je m'arrête pas. On te fait des gros bisous, Julie. Je vous embrasse, bisous. Salut ma Julie, je voudrais remercier Florent, notre auditeur du soir, pas du tout, Fabien. Ouais. Fabien, qui fait de la radio. Tu veux faire une petite pub toi aussi pour ta radio ? Dédicace, ouais, à Radio Temps Rodez, donc une radio locale de Rodez. Gros big up, voilà. Demain je reprends mon émission, 16h-17h en direct, voilà. Il a vendu son émission. 16h-17h, et ben voilà, t'auras encore un peu plus d'auditeurs, je pense, dès demain. J'ai Fabien, je te fais une petite dédicace à la copine. Vas-y. Gros bisous à ma petite copine Emma, je lui fais des gros bisous, elle me manque beaucoup, j'ai hâte de la revoir. Salut Fabien. On va vous retrouver dimanche soir en direct sur Fun Radio. On est tous les soirs en direct, hein, faut le dire maintenant, parce qu'il y a plein d'émissions qui sont enregistrées, mais pas les nôtres. Hein, c'est vrai, on est tous les soirs en direct. Love in Fun, 20h-22h, dimanche soir en direct comme d'habitude. Elles sont aussi en direct tous les soirs. Oui, Marion et Anso. Bonsoir les Night Show. Bonsoir les filles. Oh là là, mais Karel, il va falloir te soigner un petit peu ce week-end. Hein. Tu veux t'occuper de moi ? Bah oui, je suis hyper inquiète. Non mais là, c'est le nez bouché. On va vous laisser tous les deux. T'as vu comme il est jaloux, hein ? Non, il n'accepte pas la situation. Je comprends. Non, mais c'est surtout que, tu sais, Doc, hier, il m'a filé des cachets et tout machin. Il m'a dit. Mais il faut 3 jours pour que ça guérisse. 3 jours, mais maintenant, j'ai le nez qui coule. Et j'ai limite. C'est normal. Et depuis 21h, je fais un effort pour pas aller vomir. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Oui, je crois qu'on a bien saisi ce que tu dis. Donc, je vais aller poser ma galette et on se retrouve dimanche soir sur Fun Radio. Bonne émission, les filles. Salut, les filles. Un jour, les deux inventeurs du Night Show eurent une terrible dispute. Elles séparèrent donc leur vocabulaire en deux styles distincts. Chez Franche Brune, on dit... Ils ont déjà vécu ça, alors pas forcément avec un musicien toitoué. Oui, j'ai dit tatoué. Chez Franche Blonde, on dit... Attends, mais c'est la frère ou de qui la sœur. La Franche Brune respecte les auditeurs. J'ai une petite anecdote vous concernant. Oh putain, ça va être long cette histoire. La Franche Blonde, elle, bafouille au lancement du disque. Puis Amir, qui sera notre invité d'ailleurs mercredi soir. Excuse-moi, tu vas mettre les mots dans l'ordre ou pas? Aujourd'hui, elle ne partage plus rien, sauf un homme sourcil et une émission. Goûtez les deux et faites votre choix dans... The Night Show ! The Night Show ! C'est du dimanche au jeudi, 22h minuit, sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Marion et Anso, le Night Show, on est jeudi soir, on est en direct, c'est le 22 septembre et on est hyper content de vous retrouver encore une fois ce soir pour 2 heures d'émission de malade en plus ce soir. Ah mais grave, on vous a réservé du lourd, ça va Anso? Ça va très bien, on a passé une grosse journée aujourd'hui. Ouais, alors aujourd'hui c'était assez incroyable, on a fait la première opération Bahut de l'année. Ouais. On a récupéré Théo à Vincennes, on va lui parler dans un instant mais juste avant ça, faut que je vous raconte. On est allé faire du sport avec Anso. Oh là là les gars, j'ai une frange dans un état. On a amené toute l'équipe, on est allé à Coesio. Alors Coesio, c'est dans le 77, c'est juste un truc énorme. En fait, ça mélange aventure, énigme, plein de trucs. Il y a de l'acrobranche, il y a des piscines à balles. Enfin bref, c'est des parcours à faire en équipe. Ouais. Et mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Non mais c'est génial, on embrasse d'ailleurs toute l'équipe qui a été hyper cool. Franck, très sympathique, hein. Ouais. Alors, même physiquement, très sympathique. Bah, sosie de Kenji, mais hyper cool. Et franchement, on a eu un super accueil, c'était top, donc je vous le recommande vraiment. Et puis bah, on va le saluer, ce petit gagnant. Bonsoir Théo. Et salut toute l'équipe. Comment ça va? Très très bien, et vous? Alors, est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que c'était sympa? Ah, c'est trop trop bien. Bon, t'as kiffé. Alors, évidemment, Théo était dans l'équipe de Anso, Amir et moi, contre celle de Yannick du Standard, Enzo et Thibaut à la Réa. Et je vais pas vous mentir, hein, on a perdu. On a perdu, voilà. La méga-tôle. Voilà, et il faut dire aussi que j'ai eu un vertige monstre. Je me suis arrêtée à la deuxième épreuve de l'acrobranche. Ouais. Voilà, hein. Non, mais et franchement, sans déconner, c'est vraiment un acrobranche de malade. Bon, toi, t'as kiffé, t'as fait toutes les épreuves. Bravo, Théo. Merci. Ouais. Franchement, c'était cool. Est-ce que tu veux en profiter là pour parler à tous les gens qui t'écoutent? Je sais qu'il y a du monde. Ouais, bah, je vais me faire une petite pub pour ma page Facebook, donc Ennyice, H-E-N-N-Y-I-C-E, et mon petit snap Théo Troller, T-H-E-O-T-R-O-L-L-E-U-R. Je peux faire une petite dédicace? Ouais, ouais, vas-y. Donc, dédicace à Romain, JP, Victor, tous ceux du lycée SMP de Paris et du lycée Grégoire Mandel de Vincennes. Ouais. Eh bien, c'est extraordinaire. On l'embrasse, ton Bahut, c'était cool. On a ramené plein de packs fun pour eux et tout. On a passé un super moment. La vidéo va arriver d'ici quelques jours. Laissez-nous le temps de monter tout ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images. Ah oui, énormément. Puis il va falloir que je fasse un tri pour mon image. Hein, ouais, parce qu'il faut dire qu'on a eu chaud. Anso, elle avait la frange à Coesio qui partait en live. Ah non, mais j'ai eu tellement chaud, les gars. Parce que c'est un truc, on est en combi. Et tout, hein. C'est vraiment stylé quoi. C'est Lara Croft du bled quoi. Toute pourrie quoi. Franchement, mais c'était vraiment cool. Merci encore à eux et merci à l'équipe de folie qui était là. Oui, c'est merci sympa. À vous. Bon, ce soir, grosse émission puisqu'elle sera là. Zao, enfin non, tu n'as pas idée, c'est chaud. C'est chaud. On est tous fans de ce titre dans l'équipe et des autres d'ailleurs, donc Zao, on lui a réservé des surprises, elle arrive d'ici une petite demi-heure. On va aussi se faire un truc sympa, c'est la première fois dans le Night Show, on va se faire une foire aux célibataires. Ah ouais, j'adore. Le nom est bizarre, mais le principe est très simple, si vous êtes célibataire, que vous cherchez l'amour, et bah c'est le moment de nous appeler, 01 42 48 5000. Vous venez à l'antenne, vous vous vendez, vous dites ce que vous recherchez et nous on essaie de vous mettre en contact. Tout simplement parce qu'on en a marre du célibat. Ouais, puis on a reçu surtout beaucoup de demandes, donc on va vous aider ce soir. Voilà. Et puis on va écouter du son aussi, il y aura Alex Ayono avec nous. Très très jolie reprise de Drake. J'aime beaucoup ce mec. Il est tout jeune en plus, hein. Et puis il y aura aussi le son que vous avez découvert sur Fun Radio ce matin. Il était 5h52. Oui. The Weeknd avec les Daft Punk. Sans déconner, on allait avec Théo tout à l'heure à l'opération Bahut. On était dans la voiture, on écoutait JB, il a repassé ce titre. Oh. Et franchement, quand tu roules comme ça, qui fait un peu beau, il est vraiment, vraiment kiffant. Oh là là. Moi, je suis super fière qu'on soit les premiers à vous l'avoir fait découvrir. Bravo Fun Radio. Ouais, Fun Radio, on t'aime. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Bonsoir, papa. Marion Anso. Bon, Amir, il était chonchon parce qu'il a perdu. Il était dans notre team et il aime pas perdre, Amir. Non, j'aime pas perdre, surtout que. Eh bien, chez Coesio, j'ai perdu les filles parce que vous avez abandonné. Mais attends, excuse-moi, il y avait un skate volant, quoi. Il fallait faire du skate dans les airs. Mais surtout, pourquoi tu prends l'accent de Jean-Claude Van Damme? Je sais pas, j'étais parti. Désolé. C'est parti, donc un petit peu dégoûté. Les filles, j'ai envie de vous parler d'un truc ce soir. Vas-y. Alors, c'est quand même vachement sérieux. Bon, mais je trouve l'idée hyper sympa. Et en fait, eh bien, il y a une nouvelle application qui est dispo, qui s'appelle Besoin d'un toit. Et en fait, c'est par exemple quelqu'un qui a besoin d'un coiffeur, quelqu'un qui veut faire des rencontres, un café, ou qui est tout simplement dans une galère, ou un sans-abri, et qui veut rencontrer une assos. Eh bien, l'application permet justement de mettre toutes ces personnes en rencontre. Et puis de créer une belle cohésion et de s'aider les uns les autres. Ah, oh, c'est beau. C'est pas mal. Ouais, ça s'appelle Besoin d'un toit. Et donc on va dessus. Par exemple, je sais pas, moi si je suis coiffeur, et ben je vais dire bon bah voilà, je peux filer 3 bons pour 3 personnes. Et d'accord. Bim. Et du coup, c'est gratuit, j'imagine. Bien sûr. Et c'est dispo en France. C'est dispo. Ouais, Besoin d'un toit. Ouais. Non, c'est dispo en Algérie là, tiens d'un coup. Bah non, mais parce qu'à chaque fois, tu nous parles d'applications qui sont pas encore arrivées en France. Donc je me dis, je me renseigne. Là, c'est dispo et pour le coup. Ils m'ont envoyé le lien et du coup, je trouvais ça super cool d'en parler. Mais surtout, il faut se dire que Amir, quand il nous parle d'une application qui a un nom anglais, ça pue. Oui, c'est vrai. C'est pas dispo en France. Eh ben bravo, belle initiative, Besoin d'un toit. On va aller jeter un œil là-dessus. Bonsoir Thibault Larrea. Coucou les filles. Ça va toi, Bichon? Ouais, vous avez belle mine aujourd'hui, vous êtes belle. Hein. Oh, merci, ah bah, tu... bébé. On peut, hein. Ouais. J'ai pensé à un truc aujourd'hui, je me suis dit que si l'amour, genre, c'était un grain de sable, bah, il me faudrait tout le Sahara pour vous prouver à quel point je vous aime. Oh là là, là, là ça y est, il a repris du niveau là. Ouais, c'est bien. C'est ça. Pas mal. Théo, notre gagnant du jour, comment tu trouves les interventions de Thibaut à la Réa? Attention à ce que tu vas dire. Ah bah, Thibaut, active le lover quoi. Voilà, pas mal, il est beau gosse. Ouais, ça va. Ça va. Allez. Bonsoir Enzo du Standard. Salut les filles, salut Théo. Ça va toi? Yes, salut, ça va super. Bon, on s'est éclaté aujourd'hui. Ouais, franchement, j'ai dépensé beaucoup d'énergie avec Yannick et Thibaut. On est une grosse connexion. Ça va, attendez, voilà. Ils se sont fait un cri de guerre quand attention, même. Vous êtes attention, prêts? Attention, cohésion. Amir le fait pas avec eux, t'es pas dans leur team. Ah merde. Avec les burn, nous. Amir, il bouffait tous les ratés. Alors, juste pour vous resituer, parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé avec Théo aujourd'hui dans la voiture, tout ça, et il nous a avoué un truc. Il ne sait pas qui est Pépère. C'est-à-dire qu'il sait que le personnage est installé dans l'équipe, mais il sait absolument pas qui le fait, donc il a mené l'enquête toute la journée. Ouais. Et il sait toujours pas, donc je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de lui révéler? Allez, on lui dévoile qui c'est. Pépère, t'es là ou pas? Attention. Coucou Théo. Eh ouais. C'est énorme. Alors pour ceux qui le savent pas, c'est le double maléfique d'Enzo du Standard, évidemment. Ouais. Évidemment. Voilà. Bon, ce soir, en tout cas, c'est un bonsoir un peu particulier puisqu'on va appeler un gagnant de l'opération qu'on a lancé avec vous lundi, où vous pouvez gagner des kits complets Scuf avec des manettes personnalisées et ça se passait sur Twitter. Il y a eu beaucoup de retweets. Bah, donc, quasiment 2000. Hein. Ouais. Et on va appeler tout de suite le ou la gagnante. Elles sont trop belles les manettes, j'en veux. Elles sont aux couleurs de Fun Radio. C'est magnifique. Et c'est un pack, il y a plein de trucs dedans, il y a des clés USB, il y a un gilet Scuf. Ouais. Ils sont vraiment sympas. Et Scuf, je pense qu'on va en refaire, hein, parce que du coup, ça a bien marché. Allô ? Bonjour, vous êtes sur le répondeur NRJ. On va passer à l'autre. Bon, retente-lui, parce que quand même, c'était le sélectionné, et sinon, on passe à un deuxième gagnant. On va tenter. Ce serait triste. Il passe sous un tunnel, ou peut-être qu'il est déjà en communication. Oh, merde. Oh non, ce serait horrible. Ouais, c'est chaud. On laisse pas de message si c'est ça. Hein. Bah non, je trouve que c'est dur les messages quand même. Et ça ne sonne pas là, le pauvre. Non, mais je crois qu'il capte pas le pauvre. Bon, alors on le rappelle dans quelques instants. Bonjour. Là, ouais, non, ça marche pas. On va le rappeler dans un instant, vous savez quoi? Moi ça me fait trop de peine. Ouais, mais sinon on passe au deuxième. Hein. D'accord, ok. Bah, okay. Gueule pas. Hein. Non, je te le dis. Vous restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, déjà Zao va nous rejoindre et puis on aura Lorenzo. Lorenzo, il nous envoie un mail parce qu'il a un coup de gueule à passer. Il ne supporte pas un truc chez l'être humain, mais on ne supporte pas nous non plus d'ailleurs. Oui. On a d'ailleurs envie de lancer un hashtag avec vous. Le hashtag, ça va être ça me rend ouf. Les petits trucs qui vous rendent ouf au quotidien. 01 42 48 5000 et tout de suite c'est Soprano sur Fun. Comme Zinedine Zidane face à